Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Jean-Antoine Rioux viendra nous parler de plein air dans la chronique Trucs et astuces UQT à hier. Angie Durocher nous fera une manucure pour les oreilles dans son segment L'Index et je tenterai de répondre aux questions de Jean-Philippe Dorette avec tes questions à Assemblage requis. Commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. En ce mardi 29 octobre 2013, je m'appelle Mathieu Plante. Jean-Philippe Charbonneau s'en vient dans quelques instants. Je l'ai vu passer, il est venu me voir. Je reviens dans une minute. Ouais, il n'est pas encore là, mais il est dans le coin, au moins. Donc aujourd'hui, l'émission, on a Jean-Antoine Rioux qui va nous faire sa chronique du Club plein air UQTR, ou UQT à hier. C'est la chronique donc de trucs et astuces de plein air. Ça va être à 8h. Ensuite, à 8h30, Angie Durocher va être là pour son index. Ça, c'est sa chronique où il nous présente quelque chose qui l'a marqué pendant la semaine. Après ça, à 8h45, Mathieu Roy de la GEQTR va venir nous parler des plus récentes activités à faire organisées par la GEQTR. Et puis à 9h, Alexandra Carignan n'est pas là ce matin, donc à la place, on va faire arrête avec les questions. Et on va répondre aux questions qui vous brûlent les lèvres. Par exemple, qu'est-ce qui cause la mauvaise haleine le matin? C'est une quand même assez bonne question. Et aussi, que veulent dire les petits cercles de couleurs sur les emballages de sacs de chips et autres? Donc, on va voir ces questions-là et plus tout à l'heure. À l'émission d'arrêter avec tes questions vers les 9h. Là, Jean-Philippe vient d'arriver. il est dans le coin. Là. Il va prendre le micro éventuellement. Il branche les écouteurs. Il branche avec sa main droite. Il prend le micro de sa main gauche. Là, je l'ai pas ouvert. Par contre, là, je suis prêt. Là, ça fera pas de bruit. Allô? Allô, ça va? Je veux pas qu'on entende le grincement. Manque de jiggaloo dans tes coudes. Je suis prêt. T'as compris que c'était pas le micro qui grince, c'était ton corps. Oui. Les vieilles personnes quand ils slippent. Donc, bon matin à toi. Bon matin, ça va bien. Oui. Oui. Très bien. Bon plan qui s'en vient. Donc, je te réserve une émission qui a bien du sens. Oui. Moi et toi et nos chroniqueurs fidèles. Mm-hmm. On va commencer avec Jason Bahada. Avec une armée de montgolfières. C'est aussi le nom de l'émission, le surnom. T'sais, le midi, c'est le dîner de con. Le matin, c'est l'armée de montgolfières. De montgolfières, on est fiers. Le soleil sur le point d'éclat est une éponge suppliant qu'on le sort. Nous maquillons les morsures d'hier. Nos parachutes nous suivent derrière et traînent nos armes qui ne servent plus à rien. Pleine terre, comme une armée de montgolfières. Les ruines sont jolies, vues d'en haut. Peu importe ce que raconte la météo. L'or porte conseil, malgré une mise en sommeil. Nous sommes prêts pour le conseil qui guérira nos cancers. Franchissent l'horizon, qu'importe l'angle vers lequel nous penchons. Nous ne buvons pas ce qui étanche. Nous sommes coureurs de courte distance. Nous sommes coureurs de courte distance. Gonflons nos têtes pleines de terre, comme une armée de montgolfières. Les ruines sont jolies vues d'en haut. Peu importe ce que raconte la météo. Gonflons nos têtes pleines de terre, comme une armée de montgolfières. Les ruines sont jolies vues d'en haut. Peu importe ce que raconte la météo. Leur amour te conseille, malgré une mise en sommeil. Nous sommes prêts pour le cancer qui guérira nos cancers. Qui guérira nos cancers. Nous sommes prêts. Armée de Montgolfière par Jason Bahala. À l'assemblage requis sur C'est fou. Bahala. Bahala. C'est comme, je me sens comme un ninja, tu sais. Oui. Dans une Montgolfière, à pitcher des étoiles. Ça pourrait être dangereux. Oui. Mais bon. Donc maintenant, tiens, passons à la première chronique qu'on n'a même pas mentionnée depuis le début de l'émission. On ne l'a pas mentionnée, il aurait fallu le dire parce que c'est tellement séduisant, t'as envie de. Tu sais? Tu vois là. Ouais, donner des petits becs. Voici Kinky Sexy Time. Oh! Kinky Sexy Time, c'est la chronique des choses qu'on apprend et qui sont pour un public plus ou moins averti. Donc, dépendant de votre humeur, de votre façon d'avoir été élevé, ça pourrait vous offusquer ou pas. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts et avertis. Oui, ben, tu sais, plus ou moins. Voilà. Donc, savais-tu qu'une femme, en moyenne, va avoir 4 partenaires sexuels dans sa vie? OK. C'est pas beaucoup. 4 dans sa vie au complet. C'est pas comme dans les films. Non, où ça servait de bord, puis ça boum, tombe pleine face dans, sur un... Les scientifiques estiment que tu vas tomber en amour 7 fois avant de te marier. OK. Tomber en amour veut pas dire relation sexuelle. 4 partenaires, 7 fois. C'est beaucoup trop de mathématiques pour moi. Expose en 1. Je retiens 2. Expose en 1, c'est quand ton chouing lève. Expose en 1. Qu'est-ce que l'athélophobie? On a déjà parlé un petit peu de ça, mais c'est un bloc thématique autour de ça. Athélophobie. Athèle, c'est quand t'es pris dans le plâtre. Puis t'as peur d'être pris dans le plâtre après une relation sexuelle. Oh, OK, ça aurait pu être que t'aimes les relations avec des handicapés. Ah, peut-être. Mais aussi. Non, c'est ni l'un ni l'autre, en fait. Ah. L'athélophobie, ça décrit une personne qui a peur de ne jamais être assez bonne pour l'autre personne qu'ils aiment. OK. T'sais, tu seras jamais à la hauteur des attentes. Tu t'handicapes toi-même. C'est ça. Athèle. Athèle, telle des bretelles. Oui. Qu'est-ce que la tantophobie pour aller avec ça? Tantophobie. Tantôt, c'est quand t'es trop tenté. T'as peur trop. D'être trop tenté. Ah, OK. Par l'autre. Je pensais que c'était Christian Tétro, quelque chose comme ça. Non, il n'y a pas. Non. Tantophobie, c'est la peur de perdre quelqu'un que t'aimes. Ah, bon, voilà. Ouais. Rasblioto maintenant. Qu'est-ce que c'est, Rasblioto? OK. Ça, c'est quand tu viens de te raser le matin. OK. T'as pas ouvert ton Bluetooth. T'as rasé un Bluetooth, tu l'as. Ah oui, c'est ça, exactement. T'as rasblioutophobie. T'as peur d'oublier d'ouvrir ça. OK. Ben, y a pas de phobie, mais ouais. S'il y avait eu phobie, ça aurait été sûrement ça. Je me suis trompé. Rasblioutho, c'est un mot qui décrit le sentiment de vide. Oh. Lorsque, dans le fond, que t'aimais quelqu'un avant, mais maintenant tu l'aimes plus. OK. T'as perdu l'amour pour une autre personne. Rasblioutho. Rasblioutho. Pourquoi? Je sais pas. Savais-tu que Bob Marley était le père et en fait est devenu le père de 3 enfants qui sont nés de 3 femmes différentes à l'intérieur d'une période d'un mois, nous dit-on? Ouais, lui, toute qu'une descendance. Oui, il descend du coude. Oui, si par coude tu veux dire son pénis. 72% des hommes admettent avoir fantasmé sur un ou une collègue de travail. 72%. Les wedgies, tu sais ce que c'est un wedgie? Oui, c'est quand c'est... Quand tu tires les culottes de la personne par en arrière, puis ça y monte dans la craque, etc. Oui. Donc, ben, ça peut causer un cancer des testicules. Oh, à éviter. À éviter. Donc, il y a au moins un cas de cancer testiculaire qui était le résultat d'un wedgie, donc d'une blague que les élèves se font à l'école. Donc, Jack Watson, né à Lincolnshire, en Angleterre, a presque perdu un de ses testicules en 2004 quand un de ses amis lui a donné un wedgie. On l'a amené à l'hôpital rapidement. Les docteurs ont passé une heure à essayer de rattacher son testicule à son scrotum. Après ça, il disait que le wedgie faisait toujours mal. Après la chirurgie, ils ont tiré fort. Quand même. C'est sûrement ça qu'on appelle l'atomic wedgie. Il y a plusieurs étapes dans le wedgie. T'sais. Ben oui. Wedgie, super wedgie, mega wedgie, atomic wedgie, space wedgie. Oh là là. Ouija board. Oui. Il y a une personne qui est également reconnue comme, dans le fond, qu'elle a aucun, ben cette personne-là, a aucun sexe, aucun genre, tu sais, masculin, féminin. C'est un Ken. C'est un Ken, oui. Il y a juste un... Il y a un foot. Donc, Nori May Welby a officiellement été reconnue comme une personne sans genre par le New South Wales Registrar of Births, Deaths and Marriages, ceux qui s'occupent des naissances, des morts et des mariages. Donc, la personne de 48 ans est née homme, mais a eu un changement de sexe en 1990. Okay. Présentement, elle s'identifie comme n'ayant pas de sexe ni masculin ni féminin. Bref, elle a demandé aux officiers qui s'occupent de ça en Australie de changer son certificat de naissance. Donc, May Welby a admis être reconnaissante que l'État de New South Wales était capable de gérer ce problème-là de façon adulte et mature. Par contre, après avoir reçu beaucoup d'attention de la part des médias, New South Wales, truc, mariage, etc., a décidé que finalement le certificat était invalide. Bon, finalement. Ils ont changé d'idée à cause de la pression du public. Pression du public. Du public, oui. Exact. Il devait pas avoir grand pression, il y avait rien. Tu vois, rien de méchant, c'est une blague qu'on a fait pareil. Ben voilà. Et on est correct, on a pas de conscience. C'est safe. 10% des gens textent pendant les relations sexuelles. Hein? 10%, 1 sur 10. Wow! OK, qu'est-ce qu'ils se disent? Je me tague. Bon. Ils envoient les clips vidéo à quelque part, peut-être. Oui, peut-être. Ils font des vines. Ah oui, toi, 6 secondes, t'en masse. Hein, ah, ça? 6 secondes, ouais, oui. Pas le faire deux fois. On va venir. Oh! Wow! Une adolescente, a fait semblant d'être enceinte pendant 6 mois. C'est un projet pour l'école. Ah oui, tu sais, des projets comme ça, amenez-en. Hein? Donc, pour réussir à avoir du matériel pour faire son projet de fin d'année sur les rumeurs et les stéréotypes, Gabi Rodriguez, de 17 ans, a fait semblant d'être une mère adolescente pendant 6 mois. Donc, pour essayer de rendre ça aussi authentique que possible, Rodriguez ne l'a dit qu'à quelques personnes, donc la vérité qu'elle n'était pas vraiment enceinte, à sa mère, son copain et le directeur de l'école. Pendant plus d'une demi-année, Gabi a enduré le jugement de ses collègues de classe après cette mise enceinte, parce qu'évidemment... en plus, c'est une minorité. Mm-hmm. Ça s'appelle Gabi Rodriguez. Ça se fait encore plus juger parce qu'ils ont tendance, les personnes qui sont de d'autres communautés, à tomber enceinte très très jeune. Donc, c'est comme un genre de stéréotype. Mm-hmm. Elle embarque là-dedans. Donc, elle a dit à sa mère. Elle a dit à sa mère. Ben, mais en même temps, c'est parce que ça le dit plus tard là, que son ventre était comme fait de genre de comment dire, de filament de métal, je sais pas trop quoi. Que, c'était comme une espèce de grosse affaire. Fait que tu sais, j'imagine qu'elle est rendue à la maison, elle devait enlever tout ça pour pouvoir passer une soirée. Ah oui, ok. Ah oui, ok. Elle l'a dit à sa mère dans le sens de, elle a dit la vérité. C'est ça, okay. La vérité. Je pensais que juste elle avait dit à sa mère, le directeur, puis finalement ça s'était ébruité. Ah, pour que ça se propage, ça aurait été encore une meilleure idée. Oui. Sur les rumeurs et les stéréotypes, j'avoue. Mais non, c'était le contraire. Donc l'expérience, c'est ça. Ça dit que c'était encore plus difficile pour son copain Jorge Orozco. Étant donné qu'il avait 3 ans de plus qu'elle, dans le fond, que c'était supposément lui le père. Et lui, Jorge, a gardé le secret de toute sa famille. Donc, il l'a dit absolument à personne. Gabi a révélé la vérité dans une présentation devant sa classe. C'était il y a quelques mois de ça, je crois. Et a enlevé sa prothèse et tout. C'était au Columbia Basin College. J'ai jamais été enceinte! Tu retires ça comme le masque dans les films. Je m'excuse pour le nom de l'école. Elle prévoit aller à Columbia Basin College cet automne. Donc, je crois que c'est cet automne. Je voulais pas dire n'importe quoi non plus. D'accord. Une femme a perdu l'ouïe dans une oreille à cause d'un baiser. Donc, une femme en Chine et son copain, dans le fond, il participait à une session d'embrassade intense. Et le copain a réussi à briser son tympan à la fille. Donc, le baiser rempli de passion, ça fait réduire la pression dans la bouche de la femme, ce qui a tiré sur son tympan. Donc, ça a causé le déchirement. Et elle a perdu son ouïe de cette oreille-là. Elle était amenée à l'hôpital. En fait, au début, elle n'était pas sourde complètement. Elle était amenée à l'hôpital et plus tard, elle est devenue complètement sourde. Où sa surdité a été constatée. Oui, exactement. Ah, tu parles mieux que moi. Dans certains états, une personne peut poursuivre l'amoureux de son mari ou de sa femme pour avoir gâché leur mariage, donc l'amant ou l'amante. Cet état ont ce qu'ils appellent Alienation of Affection. Donc, c'est une loi aux États-Unis. La loi veut dire qu'un mari ou une femme peut poursuivre un tierce parti en disant que l'autre interfère avec leur mariage dû à l'infidélité. La plupart des États qui ont cette vieille loi ne peuvent pas la changer parce que la législature, dans le fond, ceux qui décident des lois ne voudraient pas avoir l'air de légaliser l'adultère. Donc, vu que la loi existe déjà, sont pris avec. Ça vient, ça, cette loi-là, de quand les femmes étaient comme de la propriété, si on veut, étaient vues comme un objet. Mm. Quand même étrange. Ils sont à côté au pied du mur de la chambre? Oui. Avec des menottes. Ben oui. Presque toutes les dindes qu'on consomme de nos jours viennent de l'insémination artificielle, ça veut dire ça? Ah! C'est vrai. Presque toutes les dindes qu'on consomme font partie de ça à cause, dans le fond, c'est que les poitrines des dindes, des dindons, sont tellement grosses qu'ils se mettent dans les jambes. C'est sur le chemin des relations sexuelles, tu comprends? Je comprends. Donc, les Américains particulièrement aiment manger de la poitrine blanche de dinde. Hein, c'est... Pour vrai, c'est avec de la sauce. C'est bon. La meilleure chose ever. Donc, ils ont choisi, ils ont sélectionné, ils ont fait fusionner, se faire des relations, les différentes dindes. Et puis, à un moment donné, je sais pas, ça a fait de plus en plus des grosses poitrines. Mais c'est parce que, j'imagine, avec ça, ils sont plus capables de... Ben, ils sont plus capables de... Ah, parce que les poitrines sont... Ils sont trop grosses. Toc, toc, toc. Ben, ouais. C'est triste, hein? C'est ça. Ben, quand on arrive aux relations, ça ne fonctionne pas. Les dindes, d'ailleurs, sont les seuls animaux qui n'ont pas de relation sexuelle avant d'être amenés pour se faire tuer. Dans le fond, ils sont sex-starved. Ils crèvent de sexe. Si on crève de faim et de sexe, c'est ce qu'on nous dit dans l'article. Oh, et puis, on dit que ça crée de l'emploi, au moins pour les humains, parce que c'est apparemment très, très difficile de faire ce job-là, de s'occuper des dindes et de faire des poules malades. Eh bien, je ne savais pas. Moi non plus. Un docteur a déjà essayé de faire une étude sur deux jumeaux garçons où un des deux garçons a été élevé comme une fille. Oh, c'est quand même quelque chose. David Raymer, qui est né avec un jumeau identique, deux garçons en 1965, à l'âge de 8 mois, David et son frère ont chacun eu un problème médical mineur par rapport à leur engin masculin et un docteur a décidé de traiter le problème avec une circoncision. Par contre, le docteur a manqué la circoncision sur David en utilisant une méthode inappropriée et accidentellement, il a presque brûlé tout l'engin de David. Donc, au conseil de du psychologue John Mooney à la Johns Hopkins University, ça c'est une université, un hôpital dans une université, bref, les parents de David ont demandé à ce que son sexe soit réassigné, comme on appelle, sexe reassigned. Donc, il est devenu une fille via chirurgie, hormones et traitements psychologiques. Il n'a jamais été heureux comme fille parce qu'à un moment donné, quand tu nais dans un sexe et qu'on t'impose un autre, c'est pas très bon. Éventuellement, il a appris la vérité et il a repris l'identité d'un garçon. Par contre, à l'âge de 38 ans, et ça finit mal ici, il s'est suicidé parce qu'il n'était pas capable de gérer la dépression causée par ça. Causée par tout ça. Ben justement, je me demandais si ça avait été. C'était bien génétique, tout ça. Ben, je sais pas. Pourtant, Johns Hopkins, c'est quand même très, très réputé. Là. Donc, je sais en pas. 65? Ben, peut-être pas à cette année-là, en effet. Ouais. Peut-être pas dans le temps. Je sais pas. Ouais. C'est quel gaffe, par contre. Oui. Quel gâche. Ouch. Même. Les médias chinois ont créé une ville lesbienne imaginaire. Oui, donc un paradis lesbien sur Terre. En 2009, une agence de presse chinoise, non, fait plusieurs, j'avais raison au début, donc parlait d'une ville en Suède qui s'appelait Chaco Paul City. Donc, les hommes étaient bannis là-bas et presque 25 000 résidents étaient des femmes affamées de sexe qui se tournaient vers le lesbianisme. Même si cette ville-là n'existait pas, des millions d'hommes chinois se rendaient quand même en Suède, dans le fond, via des compagnies touristiques. En espérant tomber sur la ville. Donc, la ville avait été supposément fondée en 1820 dans les bois de la Suède par une veuve riche. Ça avait 25 000 résidents, comme j'ai dit, un château médiéval, tout ça selon l'agence de nouvelles chinoise Xinhua. Une paire de femmes blondes étaient les gardiennes de cette ville sans nom qu'on appelait Shake Bao, mais c'est un surnom, et comme on disait tantôt, Chaco Paul City. Et les hommes qui voulaient entrer risquaient de se faire battre jusqu'à ce qu'ils soient à moitié morts. On dit que les résidentes de la ville se tournaient vers l'homosexualité parce qu'elles ne pouvaient pas, dans le fond, combler leurs besoins sexuels autrement, j'imagine. Wow, on dirait un scénario d'un film. Oui, ça ferait un bon film, oui. Pour vrai. En plus, Shake Bao. Shake Bao, Bao. Bao, Bao. C'est ça. Avec une chanson thème de Little Bao Wow. Oh. Les hommes, les personnes en fait, je pense, surtout les hommes. Les hommes qui veulent avoir des relations sexuelles avec des voitures s'appellent les mécaphiles, on l'a déjà dit. Pardon. Certains diront autophiles, mais c'est faux, c'est mécaphiles. Donc, c'est une personne qui a un fétiche pour les machines en général, pas juste les voitures. Donc, typiquement, ils désirent avoir des relations avec des machines. Soit des machines très spécifiques ou encore, ils ont des goûts très, très larges. Le plus commun, c'est l'amour avec les véhicules comme les voitures, les motocyclettes, les camions. Les bateaux aussi peuvent être assez attirants pour certains. Et d'autres mécaphiles vont utiliser des moteurs, juste des moteurs en général. Des power tools, genre des... Ben voyons, ouais. Ça n'a pas de sens. Et des trucs comme ça. Une grande variété de techniques sexuelles sont employées. Un mécaphile a un manuel, d'ailleurs, pour comment faire l'amour à une voiture. C'est lui qui l'a écrit. Il y a aussi des groupes sur Yahoo pour ces fétiches-là. Et comme je disais tantôt, autophile, c'est pas le bon mot. Ouais, mécaphile. À chacun son truc, hein? Ben ouais, j'ai vu une émission là-dessus à un moment donné. Ah! Ouais. Oui, le gars, il la voit à son père, puis son père ne comprenait rien. C'est-tu l'affaire de l'auto, là? Dans le garage? C'est, je sais pas si c'est dans le garage, c'est genre mon étrange dépendance, j'en parle beaucoup trop souvent. Ah oui, mais je pense que j'ai vu ça. C'est drôle. Le gars, il parle à son auto tous les jours. Oui, ben elle a un nom, je me rappelle. Oui, elle a un nom. Linda. Il veut pas comme faire l'amour avec. Non. Ça serait un manqué de respect. Ils sont pas encore mariés. Non. Non. Oh, c'est troublant. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? C'est troublant. C'est exhaust. Oui, c'est exhaustant. Après troublant. Oh. Bon. Merci. Un tueur en série qui se déguisait en femme via la peau. Un peu comme on porterait une peau de loup ou une peau d'ours. Portait les peaux de femme pour pouvoir faire semblant d'être une femme. Oh. Edward Theodore Gain. est né, dans le fond, on se fout du nom de ses parents, Augusta Crafter et George P. Gaines. On les salue! Ben, l'autre, oui! Le 27 août 1906, la police croyait que Gaines avait participé à la disparition d'une caissière dans un magasin Bernice Warden à Plainfield le 16 novembre 1957. Donc, après être entré dans une shed, une petite grange sur le terrain de Gaines, ils ont découvert la première chose épeurante de la soirée, le corps décédé de Warden, donc Bernice, dont on parlait tantôt. Elle avait été décapitée, ça c'est la tête qui a été enlevée. Son corps sans tête était donc, là c'est beaucoup trop détaillé, accroché les pieds dans les airs avec des cordes, et puis bref, c'est super. Donc c'est ça, on dit que l'intérieur du corps était vidé et que son, dans le fond, ben, le reste des détails, on s'en fout un peu hein, parce que c'est trop dégueulasse. Il avait tué avec un .22 calibre et puis Elgin avait des fétiches bizarres comme bien d'autres tueurs en série. Il y a déjà eu, un de ses... comment dire, une de ses caractéristiques particulières, c'est qu'il voulait, comme on disait, un changement de sexe, et pour réussir à faire ça, il s'habillait avec les peaux des femmes qu'il tuait. Eh bien. Ça, c'est troublant, ça. Oui, c'est... Ouais. Que dire de plus, hein? Ah. Que dire de plus? Et à l'époque, on croyait dans la culture balinaise. J'aurais dû chercher mon mot en français dans ce cas-ci. Ça m'arrive très rarement. Balinese, bref, c'était commun pour des jumeaux de sexe opposé de se marier. Okay, okay. Parce qu'on on présumait que dans le ventre de la mère, il y avait des relations sexuelles in utero. Parce que, bon, c'est un gars et une fille, donc il y avait des relations dans le ventre de la mère. C'est bien logique. Donc, l'explication anthropologique de cette coutume-là, dans le fond, ça dit qu'il y a... ça rapporte avec la société de comme... j'imagine que c'est Bali, hein? On dit que l'inceste entre jumeaux était commune. Et dans le folklore de l'Est de l'Asie, on parlait souvent de couples de jumeaux qui se mariaient ensemble. Bref, le reste des détails, c'est un petit peu compliqué pour moi. Mais c'est ce qu'on croit là-bas. Puis là, t'es enceinte. T'es comme là, ouais, ça bouge donc bien dans mon ventre. J'ai des jumeaux. Ah, ben, il doit être en train de faire l'amour. Bam, bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Ouais, pour King Sexy Time. Ouais. Ouais. C'était quelque chose. Quand même. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a à l'émission? À 8h, on va retrouver bien évidemment Charles-Antoine Rioux pour sa chronique de trucs et astuces du Club Plein Air Écutant. Oui. Mais pour l'instant, on écoute une chanson de Roll Canoe. Roll Canoe! Ça trône ça dans le top du palmarès anglophone. On écoute Bathtubs, pièce, longue pièce, bien efficace, qui moi me plaît à chaque fois. Elle est très bonne. Coup sur coup, bam bam bam, comme des enfants dans le ventre de leur mère. On the ground, hoping for more than just a vibration. Retour, la chronique, trucs et astuces du Club plein air Équiterre. Oui. Oui. Turn it up. J'étais dans le mood de Royal Canoe. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon, on est toujours à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Et puis, il est 8h02. Oui. Oui. 8h02. 2 minutes passées. 8h. à 2 mètres de l'extérieur, parce qu'on est à dehors, oui. Et de chaque côté, t'as vu? Mais pas loin d'un grand mètre de l'extérieur. Oh! Oh! Oh! Oh! C'est de la qualité ce matin. Ah, wow! Voici la chronique de Charles-Antoine Rioux. Ouh, c'est beau. J'étais plus ému. Je un petit peu là. Oui. Descends la pente, ça va te remettre dedans. Je pense que j'ai que du nez, les gars. T'as plus un Kleenex. Ah, oh, merci. Ah, oh, une mode de Kleenex avec quoi dedans? Du chemu. Du chemu. Donc, c'est la chronique trucs et astuces du club plein air UQTR. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous autres? Chuck Tony, oui. Mm-hmm. Chuck Tony, oui, ça faisait longtemps. Ouais, quelques mois quand même. Donc, de quoi on parle aujourd'hui? Ce matin, on va se mettre un peu à la saveur de la température. Pour ceux qui ont bravé leur porte d'entrée ce matin et qui sont dans leur voiture en train de nous écouter ou à l'université, ils vont savoir qu'il fait un petit peu froid ce matin. Frisquet. Frisquet. Ouais. Frisquet, c'est le bon terme. Il y a une fraîche. Une méchante fraîche. Oui. Donc, ce matin, on va être un peu en lien avec ça. On va apprendre c'est quoi... Avec comment magasiner une botte d'hiver. Okay. OK. Parce que tout le monde a eu dans sa vie... L'espèce de constatation un matin comme ceci en se disant non, j'ai juste des running shoes. Et souvent, on va attendre plusieurs mois avant de se procurer des bottes. Et finalement, moi, comme ce que je fais, c'est que j'en achète juste pas. Puis je finis par juste avoir mes souliers. Tout avoir des bons bas de laine, des souliers. Mais des fois, surtout si on va faire, disons qu'on veut se pousser un peu au plein air, ben c'est quelque chose qui est assez important. L'affaire, c'est que la botte d'hiver, c'est une business en soi. Puis il y a des magasins qui sont spécialisés dans le fait d'essayer de vous fourvoyer une botte d'hiver. Donc, je pense qu'il y a quelques critères qui sont vraiment importants à savoir et qu'il faut prendre en compte lorsqu'on la magasine. D'abord, le prix qu'on est prêt à mettre. Ouais. Mm-hmm. C'est sûr que si vous n'êtes pas du genre à travailler à l'extérieur, vous n'allez pas investir un 300-400$ dans une paire de bottes. En fait, c'est même pas recommandé. Vous ne verrez pas la différence entre une paire de bottes de moyenne gamme ou d'entrée de gamme. Par contre, il faut savoir qu'ils ont un minimum à mettre dans une paire de bottes d'hiver. Si vous êtes prêt à investir un petit peu... 300-400$. Au moins 75$. C'est au moins l'entrée qu'on va dire. Puis dépasser le 150$, c'est vraiment juste si vous pensez en faire vraiment beaucoup. Pour les vrais amateurs. En plein ça. Pour les adeptes, quasiment. Donc, c'est vraiment le range de prix qu'on va essayer de magasiner. Il y a 4 points qui sont importants à vérifier sur une botte, à savoir... C'est là. Là, ça, en fait, vous n'avez pas à aller dans le magasin puis prendre la botte puis demander toute la fiche technique. Demandez au vendeur. Souvent, ils vont le savoir. Puis s'ils le savent pas, ils vont changer de vendeur. Ben oui, ils sont supposés le savoir. Ils travaillent là. Hein? Effectivement. Donc, le premier, c'est la semelle. Une semelle de botte d'hiver, c'est comme des pneus d'hiver. C'est un caoutchouc qui est différent des semelles d'été. Il faut qu'ils soient un peu plus mous. Puis un bon indicateur pour voir ça, c'est regarder sous la semelle et regarder s'il y a différentes couleurs. Parce que les compagnies vont faire différentes couleurs de plastique pour différentes densités de plastique. Mm-hmm. Donc, s'il y a plus qu'une couleur, c'est bon signe. Parce qu'elle va s'adapter à plusieurs températures. Okay. Ça, c'est un petit truc assez facile. Deuxièmement, et souvent le plus important, c'est l'isolant. Il faut qu'il y ait une valeur isolante dans votre botte. Il faut qu'il y ait une épaisseur qui vous protège du froid, qui fait une couche d'air. Puis là, faites attention parce que souvent les compagnies vont mettre des choses comme moins 25 ou moins 40 sur la botte. Eh bien, ça veut rien dire. Ça dépend de la personne, ça dépend de la situation. Une botte qui est cotée moins 40, je peux aussi mettre geler dedans, ça fait une heure que je bouge pas dehors. Et puis encore, ça dépend des personnes. Il y a des gens comme moi qui. Moi, en fait, je prends des bottes qui n'ont pas d'isolant parce que j'ai vraiment trop chaud puis je suis pas capable. Okay. Donc, une botte normale, ça peut me faire l'affaire qu'une grosse chaussette. C'est que c'est vrai, ça dépend des gens. Mais les compagnies, la moyenne, c'est qu'ils vont en grammage, ils vont en poids d'isolant qu'ils vont mettre. Il y a du 200 grammes puis il y a du 400 grammes. Si vous êtes genre à avoir un peu chaud au pied, allez-y pour le 200, sinon visez le 400, c'est vraiment l'idéal. Donc okay. Ça, c'est bon à savoir. C'est encore ça se demande au vendeur. C'est quoi la quantité d'isolant qu'il y a dans votre botte? Si il ne sait pas, demande à son voisin. C'est ça. Si tu réponds, tout ce que j'ai, c'est l'isole Leblanc, là, t'es chez HMV. C'est pas bonne ça, c'est pas bonne blague. Puis si tu dis, ouais, j'aurais besoin de 200 grammes, puis là, il s'en va dans le backstop. Il va chercher l'isole Leblanc. Oh, là, ça marche pas, là. Non, c'est après, pas ça. C'est pas 200 grammes. Aïe, aïe. Et pour finir, pour l'isolant, il y a aussi les fameuses bottes à feutre, comme les sorelles. Oui. On sort le feutre. Ben, ça, c'est. Il n'y a pas de quantité, mais c'est aussi bon qu'une botte que l'isolant est intégré dans la botte. Donc, des fois, même mieux. C'est le fond, on peut la sortir pour la faire sécher. Oui. Quand elle est trop chaud, mais quand elle va mouiller. Super. Même chose que les isolants. Pareil. OK. Next, le troisième point sur quatre, c'est faire attention au cuir. Parce que c'est bien beau une belle petite botte avec un fini cuir extérieur, c'est très joli. Par contre, l'hiver canadien, nos hivers sont salés. Hein. Enfin, nos routes sont salées durant l'hiver. Et puis, ça se remonte dans la neige, ça se remonte sur les trottoirs, un peu partout. Et si vous prenez une botte qui a du cuir extérieur, ben, en marchant, il va souvent avoir des dépôts de sel. On le voit souvent avec le cerne blanc sur nos souliers de l'hiver. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Oui. Eh bien, ça vient qu'à assécher le cuir, puis ça peut vraiment l'abîmer, le faire craquer, puis ça fait que votre paire de bottes que vous avez payé peut-être 200$ si vous l'investir un peu, ben, est plus bonne après un an. Peut-être un peu plus d'entretien dans ce cas-là avec la botte de cuir. Exactement. C'est ça l'affaire. C'est qu'il faut au moins prendre le temps de passer un linge humide dessus, mais pas besoin de savon, juste à tous les soirs quand on rentre, passer un linge humide pour enlever le dépôt de sel. C'est très recommandé, puis ça prolonge vraiment, je vous dirais, de quelques années la durée quand de même. Botte. C'est quand même intéressant. Et le dernier point vraiment important en hiver, c'est un que les gens vont oublier, c'est que votre botte, il faut qu'elle ait une membrane. Il faut qu'elle soit imperméable. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une membrane, c'est une espèce de juste une petite couche d'un plastique quelconque qui est laminé à l'intérieur. Un plastique qu'on dit impair respirant. C'est un plastique qui est... Donc, t'enfiles un cordon sur ta botte, puis ça marche. Pas tout à fait, parce que le cordon, il n'est pas impair respirant. Le cordon, il est étanche. Okay. C'est important, ça, dans un cordon. Okay. Oui. la membrane, un peu comme tout le monde connaît la fameuse marque Gore-Tex. Ouais. C'est une compagnie qui font que des membranes. Le Gore-Tex, c'est une membrane, dans le fond. Il en existe plusieurs sortes. Des fois, les compagnies en font des maisons, ils en font eux-mêmes. Mais c'est vraiment juste une couche de plastique sur laquelle il y a des petits, petits, petits trous, assez gros pour que la vapeur sorte, mais pas assez gros pour que l'eau rentre. Alors, une botte qui n'est pas imperméable l'hiver, c'est pas super recommandé. Ouais. Donc, c'est quelque chose à regarder, demander à votre vendeur. Membrane, isolant, cuir, ça vaut de vérifier. Et puis, la semelle, il faut qu'elle ait plusieurs couleurs. Oui, il faut que tu la sentes. You smell it. Smell it. Can you smell what the rock is cooking? Le coup, oui. C'est évidemment des bottes, on achète ça dans des magasins spécialisés. On va pas dans n'importe quel petit magasin grande surface centre d'achat. Ben, c'est sûr que c'est plus recommandé. Ben, pas tant juste. On n'est pas obligé de viser le magasin qui est très spécialisé, mais éviter des choses comme. Les petits magasins, ouais, je sais pas, comme les grandes surfaces, les petits magasins qui ont juste des chaussures, mais que ça a tout l'air d'être pas super bon. C'est intéressant. C'est ça. Est-ce qu'on les entretient? Est-ce qu'on les a enduits tout le temps de quelque chose en permanence? Non, vous n'êtes pas obligé. Okay. Comme il y a une membrane, l'imperméabilisant est interne à la botte, c'est pas sur l'enduit, donc on n'a pas vraiment. C'est sûr qu'après deux ans, ça commence à prendre l'eau un peu, c'est normal que la membrane s'use. Là, on peut mettre un petit push-push. Mm-hmm. Un petit push-push imperméabilisant qui se vend dans tout le. Absolument pour juste votre magasin, quand même pas de qualité, il va vendre le push-push et la botte. Oui. Donc c'est bon de. Et si c'est en cuir, ils vont vendre le petit polissage. Ah ouais, le vernis. Ouais. Le vernis, le shampoing. Une semelle plus chaude. Gros bas. Le revitalisant pour ton cuir. Oui. c'est l'isolant Leblanc. Oui. pas ce que j'ai avec. Moi, je sais pas. J'avais d'autres questions aussi par rapport à la grandeur des pieds. Oui. Est-ce qu'on doit les prendre un petit peu plus lousses? Idéalement, oui, parce que vous n'allez pas avoir la botte la plus chaude au monde. Si elle est trop serrée, ben, le sang ne va pas circuler dans vos pieds puis vous allez avoir froid. Okay. Puis un peu plus lousse, juste pour avoir le jus, pour mettre un gros bas de laine sur mes joues dehors, faire de la raquette. Ça, c'est intéressant. Mm-hmm. Sinon, tu peux toujours laisser le papier journal au bout. Oui. ça fait de la lecture quand on a besoin. Ça peut te dépanner. Quand t'as fait de Kleenex. Faire tes besoins dans le bois. Oui, comme t'es beau Kleenex. Exactement. Oui, il faut te cacher. On s'attend maintenant à un Kleenex par semaine. Ce sera notre cadeau. À la place de nous amener des sucres à la crème comme, oui. comme Georges Croteau de la chapelle. À la place, il va nous donner des Kleenex plein de morts. Oui. Bon. C'est un genre. Oui, oui. À chacun ses passions. On va le prendre. C'est ça qui est ça. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'on a des sorties? Oui, ça vient effectivement. On a passé proche. On en avait une durant la semaine de relâche, la semaine de travaux d'études, pardon. Qui malheureusement n'a pas eu lieu. C'était une randonnée d'une journée ou deux dans une place qui s'appelle la vallée du Bras du Nord, pas loin de Québec. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. La prochaine, à l'horaire, c'est une sortie d'escalade intérieure. Mais il y a aussi autre chose qui s'en vient qui n'est pas une activité, mais plus un événement. D'ici la fin du mois de novembre, le 21 ou le 28, on n'est pas sûr encore, il va y avoir une conférence d'un ami à moi super intéressant. Il s'appelle Jean-Mathieu Chénier. Jean-Mathieu a marché, je ne sais pas si vous connaissez le sentier des Appalaches. Oh. C'est un sentier qui fait toute la côte est des États-Unis, de la Géorgie jusqu'au Maine. Okay. Il l'a fait d'un coup, au complet, en 8 mois. Wow. Donc, c'est la conférence qu'on va avoir à la fin du mois. On va tenir regarder notre page Facebook et notre site Internet. Ça va être publié bientôt. C'est gratuit. Génial. Parfait. Merci encore. Et merci, on se retrouve dans 2 semaines, les mardis à 8h. Tout à fait. Oui. Bonne journée. Bonne journée à toi. Et évidemment, étant donné qu'on a parlé de bottes, je pouvais pas vraiment passer à côté. Même si j'avais essayé, on m'aurait le bouton se serait pesé tout seul. Voici Michelo et ses bottes sont faites pour marcher. Au moins, j'ai pas mis Lisa Leblanc. Au moins. Au moins. Au moins, t'as pas mis le vendeur. Ah. Ben là. Ça aurait pu. Quand tu me dis que tu n'as pas d'autre fille, je sais parfaitement que tu mens. Tout le monde sait que tu me trompes souvent. Alors méfie-toi, je t'avertis maintenant. Ces bottes sont faites pour marcher et tu vas le regretter. Car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter. Tu mens tellement que c'est plus fort que toi. Et tu ne sais jamais où est la vérité. Comme tous les enfants, tu crois être un homme. Et toi, dans la vie, tu ne m'as rien donné. Ces bottes sont faites pour marcher, et tu vas le regretter. Car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter. Chello et ses bottes sont faites pour marcher. Assemblage requis, il est 8h14 minutes. Tout à l'heure, dans une quinzaine environ, on a Angélie Durocher qui s'en vient avec la chronique L'Index. Mais avant ça, voici Summerland et Coup de vent. Non, je ne veux pas deux fois la même chanson. Hein. Oh, mais je peux plus faire stop après ça. Et peut-être quand je pèse sur le bouton, ça faisait stop. D'être ça. Ah, la blanche. Ok, c'est ça. Je suis trompé. C'était Summerland, les coups de vent. C'est ça. Ah, moi, ça c'est bon, ça. Oui. Ça lève bien un matin, ça, après que le cadran ait sonné. Oui, coup de vent, ça. Ça, c'est plus une inspiration, une expiration. Date d'expiration. Ah non, je suis échu. Ah non, what's that? Tiens, on va faire une collecte qu'on fait pas super souvent, mais quand on la fait, on aime vraiment la faire. Voici, il était deux fois. Pense-y deux fois, parce que dans notre monde, il y a deux lois. Tu y adhères ou pas encore, là, t'as deux choix. Pense-y deux fois, parce que dans notre monde, il y a deux lois. Le concept, c'est de le faire deux fois. Il était deux fois, c'est le segment où, tu sais, quand t'écoutes une émission de radio puis une chanson que t'aimes pas, tu sais qu'au moins, ça va changer de style. En tout cas, assez fou, c'est comme ça. Oui. La prochaine chanson sera pas pareille, donc tu peux rester là. T'as pas changé de poste, ce sera pas genre tout le temps la même musique de suite que t'aimes pas, tu sais, mettons. Sauf dans le bloc, il était deux fois, où quand tu l'aimes, tu vas pouvoir en entendre deux. Deux fois. Deux fois. C'est ça le dit dans le titre. Oui. Bon. Donc aujourd'hui, on a quelque chose de plus particulier à vous faire entendre dans ce bloc il était deux fois. Oui, ben en fait, il y a le lancement d'album ce soir de June and the Feel. Mm-hmm. C'est à l'église Saint-James. Je sais pas si tu la situes, cette église-là. C'est au centre-ville, oui, proche des Ursulines. Exactement, c'est l'église anglicane. Je fais semblant que je le sais, c'est Daniel qui me l'a dit. Oh! Oh, coquin! Donc, c'est ça aujourd'hui, le mardi 29 octobre 2013. June and the Feel qui sortent leur lancement. Je pense que pour y assister, c'est gratuit. Sauf que il fallait que tu t'inscrives, je pense, à l'infolettre. Okay. Donc, t'as via le newsletter, genre, oui, sur leur site. Exactement. Puis via ça, je pense qu'ils t'envoyaient une invitation pour assister au lancement. Et puis, il va y avoir deux représentations, okay, ce soir. Une à 19h et une à 20h30. J'ai pas d'informations si c'est complet ou non. Mais vous pouvez aller voir leur page Facebook, là, il y a leurs coordonnées. Peut-être leur écrire un petit mot si vous êtes intéressé à aller voir ce lancement ce soir, 19h et 20h30 à l'église Saint-James. C'est sûr que vous allez adorer ça parce que c'est très bon. C'est le gars qui joue dans East Road. Oui. Des vétérans des palmarès. Donc ça sonne énormément comme East Road dans le bon sens et la voix de June vient ajouter encore un petit quelque chose de plus. Oui, c'est très bon. Donc on écoute deux pièces. Tout à l'heure, il y aura Big Plans qui est la pièce titre de leur album, mais on débute avec une nouvelle entrée future du palmarès anglophone. Voici Andaman Sea. Tout de suite sur Andaman Sea Fou. Sunshine like diamonds on the Andaman Sea. Behind the mountains, it is fading slowly. Purple, orange, and blue, the colors of my heart. It's good to be part of it now. It was needed to be free a little time on my own. What I had to find, I could only find it alone. But now it's good, I've solved it out. Now it's good, I can say it out loud. But don't really need to say it out loud. It's still a part of you, shining on my soul. Must apologize if I left you alone on the road. There's still a part of you, shining on my soul. All you've learned to me is much more precious than gold. Slowly, just take my hand, teach me how to surrender. I believe our love it could grow deeper. It was needed to be free, sailing towards the shore, a little older and wiser than before. Something's waiting for me, and I know I own the key. Well, I know I own the key, and there's still a part of you. Shining on my soul. Must apologize if I left you alone on the road. There's still a part of you. Shining on my soul. All you've learned to me is much more precious than gold. Alone, but never alone with you and all I do. Alone, but never alone, it's true. Alone, but never alone with you and all I do. Alone, but never alone. with you and all I do alone, but never alone is true. of fall. Free my mind, days of fall. Days of fall. Free my mind, days of fall. Il y a rarement des chansons qui fit aussi peu avec l'intro. Oui, c'était deux fois, non? On vient d'entendre June in the Fields et la pièce Big Plans, précédée de Adam and C. Donc, des chansons qui ont été enregistrées. En tout cas, je lis sur leur Bandcamp en ce moment que la chanson Big Plans a été enregistrée en direct au Planet Studios, sans overdubs, sur un enregistreur de cassette analogue. Pas de pitch correction, pas de montage, pas d'ordinateur utilisé avant la conversion numérique finale. Donc, tout ça est aux natures biologiques 100% certifié. Oui, monsieur. Ouais. Donc, on le rappelle, ce soir, lancement de leur album, 29 octobre. C'est à l'église Saint-James à Trois-Rivières, Centre-Ville, 19h et 20h30. Il reste peut-être des places. Allez voir sur le Facebook. Il y a une adresse courriel pour contacter tout le monde. Alléluia! Alléluia! c'est évidemment dans Julie the Fields, Jean-Michel Renaud, qu'on connaît de East Road, à la voix et la guitare, et Mélissa Brouillette. Aux voix, tantôt, je l'ai appelé June. Le message donné à ses fois avec le CD était signé June. J'ai donc présumé que c'était le nom de la fille. Mais ça devait être signé au nom du groupe June. Oui, je pense que oui. June! Boom! Ah! Donc voilà pour les deux fois, la chronique où on fait jouer deux chansons de seul et même artiste et ou groupe. Oui, monsieur. Et on prend une pause. Et après ça, Anne-Julie Durocher. On revient? On revient, oui, pour encore une heure. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon retour, c'est toujours Assemblage requis avec Jean-Philippe Charbonneau. Et Mathieu Plante. Et c'est toujours l'émission matinale en pièces détachées. Maintenant, pour la Charbonne Nouvelle TVA. Oui. donc, l'anecdote du jour. L'anecdote du jour. Jean-Philippe, t'es arrivé quelque chose de rocambolesque. Ça, c'est rock. Oui, ça, c'est rock. Écoute, hier, juste pour faire vraiment une histoire très courte, on a reçu des amis à souper à la maison, dont une qui nous a apporté des fruits de mer de où elle vient, c'est-à-dire Gaspésie. Oh, miam. Miam, miam, miam. Fait qu'on avait des huîtres. Et puis, c'est moi qui ai ouvert les huîtres, d'ailleurs. J'étais très fier de moi. C'était la première fois? Non. Ah, bon. Non, j'en avais déjà fait, mais autant, oui. C'est un talent, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu es allé à 0 à 1000 l'échelle du talent. Oui. J'ai ouvert les huîtres. Et de deux. Et puis, il en restait deux, à un moment donné, dans le souper. Puis, tu sais, on mange. À un moment donné, le ventre est plein. Le ventre est plein, puis on se dit, ah, il en reste deux, tu sais. Puis les deux, on tripait huîtres. Puis on fait comme, on en prend chacun une, okay. Tu sais. Puis on ne demande pas à personne. Bras croisés, puis comme une coupe de vin. Oui, ça prend une huître. Puis là, on s'est dit, on va faire un vine, ça va être drôle. Ah non. Mais tu sais, j'abuse des vines, je trouve ça vraiment drôle, abuser des vines comme des hashtags. Je trouve que la vie nous appartient. Oui. donc c'est ça, je me dis, qu'est-ce qu'on pourrait faire de drôle avec le fait qu'il reste deux huîtres? C'est vraiment un problème de société. Ah, là. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Là? Donc là, finalement, en tout cas, après beaucoup de discussions, parce qu'on a vraiment voulu pousser le concept au bout, on se dit, OK, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, au vin, je vais dire, il reste juste deux huîtres, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je la mange avec du citron, puis toi. Puis tout ce qu'on imaginait, c'était genre vraiment une scène qui a plus rapport, puis d'une huître flambée. Okay. Chose qui se fait pas, là. Ben, en fait, je pense pas, là. Corrigez-moi si c'est pas le cas. Pas le cas. Donc, on a mis... j'ai une vieille bouteille de Grand Marnier, tu sais, qui traîne. On a tout ça, genre, dans un fond d'armoire, tu sais, genre, qui doit dater de Noël, genre. Puis donc, je me dis, je vais mettre un petit peu de Grand Marnier dans une coquille vide d'huître. On va la faire prendre en feu. Ça va être malade, là. Ça va brûler. Ça va être vraiment drôle. Fait que là, moi, j'arrive, je dis, qu'est-ce qu'on fait? Il reste juste deux huîtres. Moi, je la mange avec du citron, puis toi. Puis, mon ami, il y a la coquille d'huître qui flambe. Mais dans nos têtes, ça va être vraiment malade, là. T'sais, il va avoir vraiment du feu, t'sais, de la pyrotechnie, puis tout. Là. Bon, OK, peut-être pas autant que ça, là, mais on se dit que ça va au moins brûler un peu plus. Puis, finalement, écoute, ça a fait une petite flamme de chandelle vraiment plate. C'était vraiment... Puis ça a été long, là, parce qu'on a pris des mesures de sécurité, parce qu'on voulait pas mettre le feu à la maison. T'as engagé un gardien. Ben oui, c'est ça, j'ai appelé les pompiers, ouais. Juste au cas où, t'sais, on sait jamais. Non, mais c'est ça, on s'est placé dans la cuisine, on s'est retiré de tout le monde. Et puis finalement, ben c'est ça, la vidéo, je pourrais peut-être le... Ben, je l'ai cherché sur Facebook, mais je pense qu'on peut pas poster des vannes sur Facebook. Hein, ben, on peut, mais il faut que je le fasse à la base. Ah, maudit. Donc c'est pas mal ça. Je dois avouer que c'est vraiment une histoire décevante. Un peu. Ben oui, mais c'est décevant pour vous qui l'écoutez. Mais ça a été beaucoup plus décevant pour moi qui l'ai vécu. Donc, je suis content de vivre ça, puis de vous le partager. Ben, je suis jaloux que t'aies mangé autant de fruits. Ouais, mais ça, c'est, on est vraiment chanceux parce que on pourrait pas vraiment se payer ça, je pense, dans la vie. On salue ton ami. Oui, merci. Merci de nous avoir apporté tout ça. Voilà. Merci, Jean-Philippe. Non, pour cette anecdote sans queue ni tête, c'est un animal. Sans feu ni tête, parce qu'il n'y avait pas de feu. C'est drôle. Pour l'instant, avant de passer à Anne-Julie et sa chronique L'Index, qui pourrait aussi être utilisée pour ouvrir un fruit de mer. Peut-être. Mm-hmm. On écoute la formation de Albertans et la pièce Casual Encounters. Oui. Sur C'est fou. C'est la première fin, FM. La radio aussi gluante qu'un mollusque. Mais nous sommes toujours en feu! Walks a man, he holds champagne. C'est la pièce qui a joué Encounters par The Albertans sur leur album Dangerous Anything. C'était une nouvelle entrée la semaine passée sur Dommage anglophone. Là, c'est fou. Oui. Maintenant, on accueille Angie Durocher. Par contre, on n'a pas sa chanson thème comme on l'a d'habitude, donc je vais devoir la chanter par-dessus l'instrumental du début de l'index. Attention. Wow. Je sais pas si c'est le B, là. L'index qui rêvait. Mais ça commence pas comme ça. Jusqu'à ce que. Ben, je vais pas attendre 30 secondes avant que la toune soit rendue à la place où je devrais chanter. Ben oui. OK. YOLO, Mathieu, YOLO. Ah, c'est un peu déficient. Évidemment. C'est un peu déficient. Wow. Oui, c'est parfait. C'est parfait. Un peu nonchalant. Un peu nonchalant. Oui, oui. Finalement, on l'a, la toune. Hey, c'est charmant, ma matin. De manquer de quoi. Bonjour, Angélie Durocher. Mais bonjour. Tu vas bien? Mais oui, vous-même. Ah oui, on va bien. Fantastique. Donc, l'index d'Angélie, c'est toujours la chronique où tu nous présentes quelque chose qui t'a marqué pendant la semaine ou quelque chose que tu as envie de partager avec la communauté universitaire et population trifluvienne en général. Oui. Aujourd'hui, je vais vous parler de trucs que je n'utilise définitivement pas, mais que vous devriez tous utiliser. Faites pas comme moi. C'est non, ça. C'est ça. Oui, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais j'ai tendance à faire des chroniques de même, genre faites le contraire de ce que je fais. Bref, donc, je vais vous parler de trucs pour mieux étudier. Pour vrai, je sais pas combien j'en ai, mais j'en ai un certain nombre. Un shitload, qu'on appelle. Ouais, c'est ça. Des trucs pour mieux étudier et ne pas avoir la face que j'ai, en fait, là, ce matin, ni la voix, ni le look non plus. Ça va sûrement vous aider. OK, moi, je te trouve bien correct comme t'es là, mais bon, c'est comme si je parlais contre toi. En linge mou, là. En linge mou. T'es en chemu. En chemise. Mais hier, je me suis confessé parce que Maxime est venu animer en jogging. Ouais. Puis j'étais tellement jaloux, là. J'avais c'est tellement le goût que je vais animer, moi. Mais pourquoi? Mais pourquoi vous le faites fait? Pas? On le fait. On le fait. Jeudi. Jeudi, OK. OK, c'est bien. Parfait. Parfait. Est-ce que François Landry aussi, là? Oui. C'est invité. L'invitation est lancée. On fera un petit doodle. OK. Un doodle. À quel heure peux-tu arriver avec tes pantoufles? Un pantoufle. Bon, pour ce qui est des trucs d'études, pour justement ne pas arriver à l'université en pyjama et en pantoufles, je mets pas dans mon fil, ça va bien un matin. Tu perds ta feuille, t'as terre la feuille, hein? Ben oui, j'ai c'est la feuille perdu. De notes, hein? Ben oui. Tu en place du temps pour aller chercher ta feuille? Va dans le cave. Mime qu'elle s'en va dans le cave avec ça. Ah, c'est revenu. Waouh! C'est pas c'est vraiment c'est un demi-sous-sol qu'on a. C'est ça. C'est mes années de... Donc, le premier truc, selon une étude dont je n'ai pas les sources, en fait, là, d'étudier avec une odeur particulière ou avec un goût particulier dans la bouche, puis après ça, de recréer cette odeur-là ou ce goût-là lors de la session d'examen, favoriserait en fait le retour de la mémoire. Ça a du sens. Oui. Ça a du sens. Donc, utilisez une gomme que vous n'utilisez pas normalement. À cannelle, autre... mettons, ou peu importe. Moi, c'est ça, une saveur, tu sais, comme les grosses gommes bazooka, là, genre melon d'eau. Oui. Vous prenez juste ça quand vous étudiez puis quand vous êtes en examen. Fait que, en théorie, selon cette étude non citée, ça devrait vous ramener la mémoire plus facilement en examen. Génial. Parce que sinon, selon où j'ai pris ces trucs-là, il disait une odeur spéciale, mais je trouve ça un petit peu dérangeant pour les autres personnes dans la classe. Comme un gros saucisson épicé. Un rôti de porc. Braisé. Je trouve ça un peu poche pour les autres personnes dans la classe. Fait que non. Un autre truc. Avant un test, là, mettons, vous avez étudié comme d'avance. Puis là, il vous reste 6 heures avant l'examen. Mais là, vous faites comme des notes sur une petite feuille, comme si c'était, tu sais, au secondaire, on avait le droit souvent des aides-mémoire. Puis même encore à l'université, là, dépendamment des programmes, vous avez le droit à un aide-mémoire. Faites-vous une feuille comme si vous aviez le droit à un aide-mémoire. Qu'est-ce que vous écririez sur cette aide-mémoire-là? Ça va vous aider à vous rappeler, en fait, les notions importantes de l'examen. Oui. Par la suite, là, je suis rendu à 3 trucs. Lorsque vous faites des lectures, ça, c'est un truc quand même connu, là, c'est de mettre des gummy bears en même temps, ou un bonbon, ou un... Ça a tellement circulé sur Facebook, cette image-là. C'est ça. Donc, mais ça marche. C'est comme un... Celle-là, tu l'as essayé? Ouais. OK. Mais tu peux pas faire ça avec toutes les affaires que t'aimes manger. Tu peux pas mettre de la crème glacée sur ton livre de notes. Fait que fais attention. Non. Tu peux, mais c'est ton problème. Ouais, ouais, c'est ça. C'est comme du renforcement positif. Oui. Tu sais, quand t'es rendu à tel, tu dis après tant de chapitres ou tant de paragraphes, t'auras un gummy bear, puis c'est le fun. Mais tu mets un gummy bear au premier, deux au deuxième, trois au troisième, etc., etc. Mais tu peux comme faire la variante que tu veux. OK, wow! Enfin, c'est le fun. Plein de possibilités. Ben ouais. Ensuite, ça, c'est plus rendu à l'examen, ce truc-là, c'est d'écrire les formules. Exemple, vous êtes en mathématiques, ben écrivez toutes vos formules dès que vous avez l'examen que vous savez qu'ils peuvent être sujettes à examen ou être utiles ou des fois même en français, des règles de grammaire ou n'importe quoi. Écrivez tout de suite dès que vous recevez votre examen tout ce que vous savez qui peut être important. Ça va vous aider, vous ne stresserez pas dans l'examen. « Ah, oh, je m'en souviens plus, puis oh, c'est celle-là. » Vous les avez toutes écrites. Ensuite, si vous prenez vos notes de cours sur un ordinateur, écrivez-les à Times New Roman. Ça a l'air okay. que c'est comme l'écriture la plus facile à lire. C'est pour ça qu'ils l'ont choisi, donc. Oui, oui. Okay. C'est pas pour rien, Times New Roman. C'est pas pour sa beauté, ça, c'est sûr. Non, c'est non. Ça. Mais comme pour l'œil, c'est celui qu'on est capable de lire le plus rapidement et le plus facilement. Okay. Fait que pas de comic sans MS, là, oh, truc de même. Là. S'il vous plaît. Times. Times, oui. C'est ça. Ça va vous aider. Ensuite, il y a des programmes... en fait, là, qui vont bloquer tout ce que vous avez sur votre ordinateur. qui... Le Facebook et le Twitter. Ouais, c'est ça. Puis ça va tout bloquer pour une certaine période de temps. J'en ai trouvé un, ça s'appelle Cold Turkey. puis en fait, là, c'est... je l'ai pas essayé, mais j'en ai trouvé un. C'est comme gratuit, en fait. Vous pouvez mettre le montant que vous voulez... Vous allez avoir le même service parce que je pense que l'argent est donné à un organisme communautaire, quelque chose comme ça, aux États-Unis. Là. OK. Mais vous n'êtes pas obligé de payer si vous ne voulez pas payer. Puis, contribution volontaire. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Fait que, en tout cas, c'est comme celui, en faisant des recherches, que je suis tombée le plus souvent avec les meilleurs commentaires et tout ça. Fait que peut-être à essayer si vous avez vraiment de la difficulté à contrôler votre usage de Facebook et Twitter pendant votre étude. Moi, j'ai un ami qui me demande de changer ses mots de passe. T'es-tu sérieux? Il y en a ceux qui n'ont pas de contrôle. Hein? Oui, mais non, mais c'est correct. C'est bien se connaître. Il me dit, rentre un mot de passe que je connais pas. Comme ça, je suis sûr de pas y aller. Voilà. Donc là, je mets un mot de passe, je l'oublie, puis là, lui, il est dans la mort. C'est quand même drôle. Ouais. Non, je l'oublie pas. Je mets le même que le mien. OK. Ben justement, en parlant des autres, prendre vos notes de cours ou faire vos fiches de révision comme si vous les preniez pour quelqu'un d'autre. Ah, c'est bon. Comme si vous les expliquiez, parce que souvent, en fait, en examen, il faut que vous expliquiez pour l'autre personne, là, pour le correcteur. Fait que de prendre vos notes de cette manière-là, de faire vos fiches de révision, puis après ça, souvent, de l'expliquer à quelqu'un d'autre qui n'a aucun rapport. Moi, c'est le fun, ma coloc est en maths. Fait que quand je parle de langue, elle ne sait pas de quoi je parle. Fait que faut que j'y explique du mieux possible avec les plus bons termes. Puis je trouve ça bien le fun. Puis ça va te parler un cave, dans le fond. Traite toi comme un cave à la place d'être fendant, comme d'habitude, mettons, tu sais. C'était fendant. Mais oui. Traite toi comme un cave. C'est ça. Ouais, je la connais, cette réponse-là. Non, ça marche pas. C'est un peu comme instruction d'assemblage. Ah, t'es drôle. Oui, oui. J'essayais. Ensuite, il est suggéré, selon d'autres études non citées, de faire des courtes révisions après à peu près 20 minutes d'études. De revenir en arrière, exemple. Vous étudiez, vous revisez un cours. Bon, ben revenez. T'sais, une fois que vous avez fait vos fiches de révision, revenez en arrière. Réassurez-vous que vous... assurez-vous, en fait, que vous avez bien saisi ce que vous venez de retranscrire ou d'étudier. Comme ça, s'il y a un problème dans ce que vous venez d'étudier, que vous avez mal saisi quelque chose, ben là, vous ne traînez pas la problématique tout le long de la matière qui fait référence à ce que vous avez vu au début. Ce qui pourrait être quand même le chaos. Oui, c'est ça. Ouais. Ça ne vous aide pas. Des fois, vous allez avoir des problématiques plus qu'autre chose. Fait que revenant en arrière, ça l'aide. Ensuite, prochain truc, ben, c'est plus pour les visuels, à mon sens, ceux-là. Utilisez des crayons de différentes couleurs, soit pour souligner ou prendre vos notes, pour diviser la matière ou qu'est-ce qui est pertinent, faire des liens, puis tout ça. Pour, particulièrement, je trouve, pour les visuels, là, ça a l'air d'avoir des codes de couleurs. Tu peux sûrement combiner les trucs puis prendre des gummy bears de différentes couleurs pour aller avec le marqueur de la même couleur. Comme ça, dans ta tête, dans ta bouche, t'associes. Je pense que tu vas passer plus de temps à faire comme toutes des associations comme ça qu'à étudier. Fait que je déconseille ce truc. Ça va être plus le fun, par exemple. Ouais. Oui. Mais dis-à moins que tu t'y prennes comme un mois d'avance pour étudier, vas-y fort avec ça. Ouais. Si t'es 24 heures d'avance, je te le déconseille. Oui. Étant donné que beaucoup étudient 24 heures d'avance, je te le déconseille. Ensuite, finalement, mon dernier truc, c'est la méthode Pomodoro, qui consiste à étudier, ben en fait, à faire n'importe quelle tâche là, qui demande une concentration. 25 minutes, prendre une pause de 5 minutes séquence de 4 fois. Ouais. Donc, 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes, ainsi de suite. Puis, au bout de ces 4 périodes de temps, vous avez le droit à une pause plus longue de 20 minutes. Wouh! Te divertir en tout. Ouais, c'est ça. Là, j'ai déjà hâte. Je suis comme énervé. Je suis comme, yeah! C'est à peu près comme assez fou. Tu sais, 25 minutes de contenu, 2 minutes de pub. 25 minutes de contenu, 2 minutes de pub. Oui, on fait ça. Mais ça l'aide en fait à la concentration. Puis, ça te permet de te concentrer. Tu te dis, OK, là, j'ai le droit à une pause de 5 minutes après. Fait que ça l'aide à la concentration. Puis en fait, là, c'est vraiment une méthode prouvée là, pour aider à la concentration. Puis, j'ai dit beaucoup concentration là-dedans. Là. Oui, c'est pas grave. Ouf! Puis, il y a sur Internet, vous tapez Focus Booster. OK. Puis, ça va vous mettre ça sur votre ordinateur. Vous avez différentes applications, là, en fait, là, avec son, pas de son. Et si et ça, puis là, ça vous sonne dans vos oreilles quand vous avez fait. Fait que vous n'êtes pas obligé non plus de regarder comme à toutes les comme 10 minutes, savoir je suis rendu à combien de temps, puis tout ça. Fait que moi, c'est le programme, en fait, que j'utilise qui est complètement gratuit. Il y a version Mac et PC. Utilisez ça pour. Vous aider à vous concentrer. Mmh. Fait que c'est tout. Moi, j'ai Pomodoro. Ouais. Oui, moi, j'ai découvert, je t'en ai parlé la semaine passée, Café Creativity. Creativity, oui. Ouais. Creativity. Je sais pas si tu connais ça. C'est un site Internet où... Il y a une application iPhone aussi. Oui, exactement. Donc, tu vas là. Et puis, dans le fond, ça te crée le bruit d'un café. Donc, d'ambiance. C'est vraiment un bruit ambiant. Sauf que c'est prouvé que ça coupe tous les sons dérangeants. Ouais. Donc, mettons, t'as une petite fan là, qui tourne d'ordinateur, puis que ça te gosse. Fait que t'arrives pas à te concentrer, mais tu mets ça, puis ça va couper les sons qui peuvent te nuire. Tu peux aussi choisir de mettre ta propre musique. Mettons, comme une radio dans un café, il y a tonne de la radio qui joue en arrière. Ouais. Donc, tu peux choisir ta musique après ta playlist à toi, puis choisir le volume de ta musique par rapport au volume au bruit des gens dans la place. Ouais, oui, c'est vraiment très cool. Moi, j'aime ça. C'est Coffeetivity. Oh. Et il y a aussi, moi, j'aime bien Thunderspace, une application sur iPhone qui crée des bruits d'éclairs et de pluie. Okay. Ça travaille très bien quand il fait mauvais dehors. En ce moment, t'en as peut-être pas nécessairement besoin parce qu'il pleut vraiment. Mais quand il pleut pas, moi, je trouve que ça m'aide plus que du bruit de café. On dirait que ça me dérange, mais ça dépend vraiment des gens. Ouais. Moi, j'aime bien ça quand parce que, tu sais, dans mon bureau, il y a quelque chose qui crache de l'air, là, comme vraiment intense. Je sais pas de quoi tu parles pour avoir travaillé là pendant un an. Puis des fois, quand il faut vraiment, je me concentre, je me dis, oh, je vais mettre ça, puis je l'entends plus. J'entends même plus mon cellulaire sonner. Comme c'est une seule fois que j'ai fini de travailler dans ce bureau-là, c'est super gentil. Genre, c'est le bruit le plus désagréable. Là, quand il arrête, t'es comme... Wow. Oh, ah, le stress tombe. Là. C'est drôle quand même. Arrêtez. Les gens de l'OGE étaient comme, oh, vous allez adorer vos nouveaux bureaux. Ils sont tellement le fun, confortables. Il n'y a pas dit qu'il y avait des bruits de fans. Ah, oui, ils faisaient super frais des dans moins 20. Ouais. Mais ça, il fait frais de partout. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pas de notre faute. C'est pas un vis caché. Ah, merci, Angélie Durocher. Mais ça fait plaisir. On te retrouve la semaine prochaine. C'est tout le temps les mardis à 8h30. Oui, pas en linge mou. Pas en linge mou. En chemin. Personne ne sait. Non, ben, j'ai dit. Oui. À radio. Personne l'aurait su. Ben. Mathieu Roy s'en vient. Il est en mou aussi, sûrement. Ben oui. Non. J'ai pas. Mais ça me dérange, je l'ai vu, il est en jean. Ça se peut. On parle du code vestimentaire de la radio. C'est oui. Super la fun. Donc, voilà. Merci encore et à la semaine prochaine. Oui. On va se quitter avec une pièce de. À propos, si on veut, parce que tu as parlé à Julie d'étudier pendant. Fallait pas prévoir ton étude une semaine à l'avance ou un mois à l'avance, tu m'as dit ça tantôt. Moi, je la prévois une année à l'avance. Une année de travail de la question. Oh. Très, très, très boiteux. Je suis très boiteux. Sans aucun projet, je pourrais. Autour de la chronique de la GIAUQTR à Assemblage Rocky. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Pour Assemblage Rocky avec Jean-Philippe Charbonneau. Et Mathieu Plante. Mmh. Et on accueille un survivant, un revenant. Ah, ouh, c'est l'Halloween. Ouh, il revient là-bas. Je fais si peur que ça aux enfants. Ah! Je sais pas, ben remets tes pantalons. OK, blague de mauvais goût. Voici la collègue de l'AGEUQTR. AGEUQTR, peu importe ton âge, tu t'en vas à l'AGEUQTR parce que l'AGEUQTR, ça n'a pas d'âge. Yo! Merci. Alors, bienvenue dans le hood de Trois-Rivières, j'imagine. Oui, dans le 819. C'est les cabotineries, là, ça, cette intro-là, ça n'a pas d'allure. Donc, bonjour Mathieu Roy. Bonjour Mathieu Plante. Bonjour Monsieur Charbonneau. Moi-même. Vous l'appelez monsieur, hein, vu qu'il est DG. Oui. Oh, et toi, président, vous, président, donc Monsieur Roy et Monsieur Charbonneau. Oui. Je suis le petit peuple, je suis représentant du petit peuple de Trois-Rivières. Non, je n'ai pas la même attitude que Monsieur Charbonneau. Oh, il est hautain, pas mal. Hein? Ah, quand même. Et Colin. Ben, depuis qu'il y a un bureau qui mesure au moins, mettons, 12 mètres carrés. Oui. Vous étiez combien dans ce bureau-là, quand vous étiez à la GE, dans ce même bureau au fond du corridor? Le minimum était de 4. Et là, Jean-Philippe est tout seul. Et là, le maximum, c'est 4. Quand ses amis viennent le voir. Oui. Ah. Amis qui se limitent à 3. Dans ton calcul. Oui. Hey. J'interprète cela. Oui, comme ça. Là. Bon. Donc, assez parlé de nos bureaux qui sont dorénavant à la droite de la chasse-galerie. Oui. Donc, Mathieu Roy, qui est président de l'AGEUQTR, et tu vas nous parler, pour commencer, des activités qui s'en viennent. Oui, pour la Coupe des Assos, la plupart d'entre vous savent déjà ce que c'est la Coupe des Associations. L'activité de demain, qui était le Laser Quest, est finalement annulée au grand malheur de tous. Malheureusement, c'est dommage, mais c'est des choses qui arrivent. La première activité qui va s'en venir, donc, ça va être le Rallye des Assos, qui est le 13 novembre, qui est une activité un petit peu plus limitée au nombre de participants. Par la suite, le 19 novembre, c'est La Fureur, animée par Véronique Cloutier ou sa remplaçante que l'on trouvera. À déterminer. Ouais. Oui, elle a confirmé, mais d'habitude, plus dernière minute à canceller. Genre, ah non, finalement, non. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme facteur pour trouver un animateur ou une animatrice très rapidement, c'est de lui annoncer que dans 5 ans, vous pourrez avoir une revue à son nom. C'est bon. Oui, c'est bon, ça. Il faut y aller par le nom de famille. Tu remplaces Cloutier par genre Vissé. Il faudrait un mot avec vis au lieu de clou. T'sais. Cloutier, ouais, c'est ça. Un vicier. Oh, un huissier. Hey, je l'avais pas saisi, cette joke-là. Mais pas bonne, non. Mais j'ai jamais qualifié qu'elle était bonne ou pas bonne. Mais j'ai juste dit Laisse-moi analyser tes blagues tout seul. Je suis le président directeur de l'AGEUQTR. Je vais vous dire quoi PDG. Faire. Je suis Mathieu Roy. Oui. On m'appelle d'ailleurs dictateur parfois. Oui, c'est ça. Non. Non, mais c'était une petite blague. Je savais que ça pourrait te faire partir sur un aspect de blague. Merci. Mathieu Plante, l'art de saisir au revers ou au coupant. L'art de saisir un steak. C'est... Oui. Oh, je t'en trouvais tellement bonne. Attends un peu, refais-la, on va arriver. Lors de saisir un steak. Drôle. Oh. Je suis pas convaincu dans mon fake de rire. Finalement, JP, tu as fait la blague que tu préparais la semaine dernière? Non. Non, je pense que. Non? Non. Tu veux que je te donne le cue pour que tu y ailles? Ouais, c'est quoi déjà? Je m'en rappelle plus, elle était peut-être trop bonne. Hey, faites une belle équipe, là. Oui, vraiment. Les trous de mémoire. On s'appelle les trous de mémoire. Pourquoi les trous de mémoire, vous le saurez plus tard. Oui. Ouais, quand on s'en rappelle. Oui. Puis ensuite, dernière activité probable qui est prévue pour la session d'automne, c'est la question pour un champion. Plusieurs questions dans le but de trouver un champion du monde. Oui. Poids lourd, poids léger, on sait pas. Les catégories sont toutes mélangées. Le but est d'avoir un seul champion. Le but, c'est de gagner, finalement. C'est ça. Ben, toujours. Tout simplement. Donc, c'est un quiz, questions-réponses, bien standard, mais il y avait des questions difficiles. Mais moi, j'ai entendu dire que l'équipe de la radio C'est fou allait se faire une équipe. pour aller à la question pour un champion, même si c'est une compétition individuelle. Même si on n'est pas étudiant, même tout, là? Oui. OK, quoi? Ben... Oh, bien. Vous êtes tout étudiant, Mathieu? Ah oui, excuse-moi, j'ai un cours en saisissage de steak. Oui. Non, non, mais t'es... pas le beigne. Là, t'as juste à dire que t'étudies la vie à temps plein. C'est ça. Philo? Oui. Wow! Ah, t'as bien sorti. Oui. Ça, ça, ça a tout lieu à Chasse-Galerie? Oui, toutes les activités vont avoir lieu à la Chasse-Galerie. Ouais. T'as vu ça? Je suis revenu comme ça. Bravo. Revenu sur les rails. Oui. Ouais. Autre petite chose qu'on pourrait peut-être parler, c'est le retour sur le débat aux élections municipales que vous avez radiodiffusé. Exact, et qui est toujours disponible sur notre Facebook si vous voulez entendre le débat au grand complet sur nos ondes. Mais ça a été organisé par la GEQTR, ça. Oui, mais c'est une belle collaboration qu'il y a eu entre nos deux entités. Corporation ouais. multinationale. Instance. Mm-hmm. Instance. Oui, c'est bon. Instance décisionnelle. Oui. Non, mais c'est ça, ça a été une très belle collaboration. Moi, j'ai eu le plaisir de l'animer. Ça a été une belle journée. Vous, vous avez trouvé ça comment, le débat? C'est bon. Je t'ai trouvé bon, moi, pour vrai. Oui, oui, mais moi, j'ai particulièrement aimé le petit clin d'œil à M. Lévesque. Je pense que ça fait jaser. La chaise. La chaise, même, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se sont non inspirées par la suite. La Chambre de commerce, qui a fait un peu la même chose. Vous êtes ouais. des trendsetters, vous êtes trending sur Twitter, hashtag. Hashtag absent. Hashtag ouais, j'hashtag souvent, moi d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas de cellulaire. Non, moi je suis pas capable de dire où ce que je suis parce que ma vie privée, elle m'appartient. Ouais. Pas mal la seule affaire qui me reste, je vous dirais. Mais non, j'avoue que le concept de la chaise a été repris. On a pu même voir au débat à la télé certaines candidates pousser là-dessus comme « Ah, c'est la première fois qu'on se voit. » Ouais. Ça a été vous drôle. Vous existez pour de vrai? On a failli voir un saut de la troisième corde d'un candidat aussi. Je sais pas si vous êtes capable de dire le nom. Un quoi? Un candidat de la qui a failli faire un saut de la troisième corde pendant le débat des candidats. Non, celui à la télé. Non, je l'ai pas vu, par exemple. Ouais. Non. Non, ça, c'était spécial. Il y aurait un peu plus, puis on pensait que c'était un match de lutte. Ah oui, mon Dieu. Je pense que je sais c'est lequel. Ouais. Un peu moins arrangé que ouais. la lutte normale. Parfait. Puis, je me permettrais, tant qu'à vous avoir avec moi, mes deux chers amis, parce que depuis le temps qu'on se connaît, on peut s'amifier. Oui. Mm-hmm. D'avoir, on est friends sur Facebook. Mais je, ça je, dit tout. Je veux pas être titilleux, mais c'est plutôt nous qui t'avons avec nous que toi qui t'as avec fais nous. Fais pas comme si c'était ton émission la soirée. Non, mais moi, non, mais c'est que moi, j'ai genre deux personnes avec qui parler en même temps. Là. Oh. Moi, c'est moi qui ai choyé. Là. Oh. Ah, ben, quand même, on va le prendre. C'est, vous êtes un peu le même principe que deux barmaids dans un bar. Genre, vous avez pas le choix de rester là. Oui. Oh, oui. Fait que tu pourrais vraiment nous poser des questions sur tes problèmes de vie, puis on va essayer de les régler, puis on n'a pas le choix. On est là pour toi. On est là pour toi. Puis l'important, c'est qu'on est là en direct. Oui, c'est ça. Faut que tu laisses du type à la fin, man. Ben, ça dépend à quel point je monte mon zipper. Oh, ouais. Oh. Cabotine. Oui, quand même. Oh, non. On se permettra pas des jokes là-dessus, là. Toi, tu es un ancien arbitre à la lutte, hein? Non, j'étais l'animateur à la lutte. T'as pas été arbitre du tout? Jamais, jamais. Okay. J'ai essayé une fois d'être improvisateur, puis ça a été un échec retentissant. Oh! Dans le sens où c'était un échec total. Tu sais, je suis quand même pas une personne qui est super gênée, mais le froid que j'ai eu en rentrant sur la scène puis en essayant de faire des blagues devant du monde... Il t'a pas ouvert à ça. Pas passé. Ouais. Oh non, non, c'était aussi bon que, mettons, la pire de tes blagues, Mathieu. Hey, merci. Ben, la pire. Mais c'est sûr que si t'insultais ton public de même, comme t'es en train de faire avec moi, ça peut pas même passer. Ben, moi, j'insultais le monde de récréo. C'est ça qui me disait tout le temps à l'huître. Et c'est principalement du monde de récréo dans la salle. Pour vrai, lors des matchs d'impôts, il y a beaucoup de monde de récréo. Même. Donc, il était contre toi dès le départ, je pense. Ben, c'est con parce que moi, j'ai jamais eu de propos envers récréo, mais c'est tout le monde autour de moi qui les avait. Puis moi, je suis pas une personne qui a un bon filtre pour le rire. Quand je pars à rire, je fais juste partir à rire. Je suis pas capable de m'artenir, tu sais. Si je trouve ça drôle, je trouve ça drôle. Fait que. Ça passait pas mal tout le temps sur mon dos parce que j'étais le premier à rire, puis vu que j'avais un micro, ben tout le monde savait que je riais. Fait qu'automatiquement, ça passait sur mon dos, mais dans le fond, c'est pas moi qui lâchais l'école. C'est jamais ta faute, hein, toi? Ben, Mathieu! Ça dépend, là. Ben, c'est ça être politique. Ça oui, c'est ça, ça. Oui. On va créer des comités. Non, c'est une table de concertation. Oui, une table de concertation. Donc, quand oui, on parlait des élections, le débat qui avait eu lieu à la Chasse-Galerie, ben, qui a toujours eu lieu, bref, ouais. C'est terminé, c'est l'histoire ancienne. Ben, c'est l'histoire ancienne jusqu'à ce que le vote se fasse. C'est ça, parce que en tant que tel, le contenu est encore tout à fait approprié. Vous pouvez aller l'écouter aujourd'hui même ou le jour même de l'élection. Oui, le contenu de votre émission que vous avez enregistrée, oui. Oui, oui. C'est ça. Je spécifie. Oui. Oui. Donc, où allions-nous après ce débat et les élections? La semaine dernière, lorsque je devais passer, que malheureusement, j'ai dû annuler ma présence en studio sans aucune raison. Est-ce que tu parles du 29 ou du 22? Ou est-ce que tu parles du 15? C'est quelle fois, ce coup-ci? Laisse-moi vérifier les dates. Ce serait celle du 22 parce que le 29, je suis présentement avec vous. Il y a ça. Oui. Mathieu, tu t'es trompé dans les dates. La preuve du contraire. Oui. À moins que quelqu'un puisse pas me contredire là-dessus. Je suis ici. Oui. C'est vrai? Oui. On contredit pas? Ça, c'est, non, c'est ça. C'est la semaine dernière, la semaine de travaux et d'études que l'on appelle communément, je me suis absenté malheureusement. Et je voulais faire une chronique un petit peu plus qu'est-ce qui me ressemble. Je vais me séparer un peu de mon rôle de l'AGE pour un bref petit instant et vous parler d'un rappeur militant qui s'appelle Medine, qui est algérien d'origine et résident en France. C'est un rap qui est vraiment très, très pointu, très urbain, puis aussi très politisé. Il est islamiste, mais il prône un rapport égalitaire entre les religions par la plupart de ses textes. Mais tu sais, c'est vraiment très gros, là. Son œuvre est assez grande. Il y a des livres qui sont déjà publiés de sa part. C'est un artiste qui est très, très instruit puis que ça paraît beaucoup dans son texte. Fait que je sais pas si tu voudrais la faire jouer un petit peu, puis ensuite, on pourrait peut-être faire un retour là-dessus si ça vous tente. Je vous propose ça comme ça à l'improviste. On écoute ça, c'est Medine, improviste, bravo. Oui, je suis en impro, je suis Mathieu. Voici Bloc Identitaire featuring Youssoupha. C'est l'histoire d'un noir et d'un arabe. Non. Faux départ. Toutes les histoires qui commencent comme ça se finissent toujours mal. Entre des frères de bloc. C'est pas de la faute des autres si le monde est bloc. La crise identitaire est un problème d'époque. Le communautarisme, le cancer des blocs. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux tester mon gabarit? Tu crois qu'il y a Paris, qu'on accueille bien les Qataris? Ferme ton bec, ravale tes blagues raciales. Ou dans ton bled, tu te feras rare comme un black asiat. Rien à battre que tu sois un brave musulman. Vu qu'un arabe qui fait du rap reste un arabe qui gâte ma black musique. Tu cheats dessus quand c'est la tempête. Donc laisse ton panthère noir, t'aurais dû appeler ton album Arabian Pampers. Tu crois réunir les noirs avec ton noir désir? Mais t'es qu'un demi-leader comme Harlem Désir. Avec vos différences de langue, tous les 10 villages. Si les noirs sont divisés, c'est qu'ils sont divisables. Tu dis vague, j'ai pas besoin qu'on m'accepte. J'ai les maquerelles, la pire des nécrophobies. Moi je l'ai subi au Maghreb. M'appelle pas Rouya, on sait que vous êtes raciste. Et aucun nègre n'oubliera que les arabes étaient esclavagistes. Parle-moi plutôt de l'esclavage des noirs eux-mêmes. De tous ces oncles Tom qui ont enlevé des âmes humaines. Les premiers négriers étaient vos égaux. Je crois bien que t'aurais fini comme Samuel Jackson dans Django. Contrôle d'identité entre des frères de bloc. C'est pas de la faute des autres si le monde est bloc. La crise identitaire est un problème d'époque. Le communautarisme, le cancer des blocs. C'est chez vous qu'on trouve les traîtres et les gars soumis. Donc entretuez-vous avec vos nidim et vos chalgoumis. Dans une embrouille entre rebeux, faut jamais s'incruster. J'avoue, je suis malheureux, j'aurais dû laisser Nesbill t'insulter. Un peu de cash sur la table et les blacks se calomnient. Ou si on se clash, c'est pour mieux se réunir comme Inoua le chat. Y'a pas que le sable du Sahara qui nous sépare. Et on sera toujours plus unis que Kerry James et Kevin. Nous au moins on a des leaders, viritant nos phases. C'est notre cœur qui fera toujours fantasmer vos femmes. Pas de pitié, alors écoute bien. Vous préférez les lapider, alors elles préfèrent notre coup de rein. Les bonobos ne pensent qu'à tartiner les beurettes. Ils négligent leurs femmes, excisées à la clé à molette. Je veux pas de faux rituels, j'évite les unions mixtes. Heureusement que les arabes ont amené l'islam aux animistes. Heureusement que le prophète était un être à part. Heureusement Dieu nous protège de vos coutumes d'arabes. Normal que tu stagnes. Des ignorants comme toi ont bien vite oublié ce que Bilal a fait pour l'islam. Contrôle d'identité entre des frères de bloc. C'est pas de la faute des autres, c'est le monde des blocs. La crise identitaire est un problème d'époque. Le communautarisme et le cancer des corps. On a plus les yeux en face des trous, comme sous une cagoule du Ku Klux Klan qui masque le jour. Qui écrit bloc avec 3K, qui écrit test avec 2S, doit prendre garde. Rien ne sert de jouer au beurre ou au placosphère, d'être plus identitaire que sur la blogosphère. On revendique être ghost d'Afrique, mais qu'être ethnocentrique, c'est être égocentrique. Quand les vieilles victimes deviennent de jeunes auteurs, porteurs du gène d'Hitler sans être leur géniteur. Quand le poison s'invite dans une blague lambda, la mixité ressemble au mariage de Black Mamba. Des traditions aussi snobinardes que celles des apéros sauvages, saucisson pinard. Faussement droit glomiste et républicain, éradiquons le radical qui sommeille en chacun. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Alors, on est toujours sur le FM. Vous avez entendu Medine avec Youssoupha, avec Bloc Identitaire, qui provient de son dernier album qui s'appelle Jihad. T'as peu, je l'avais. Protest Song, dans... pardon. Okay. Protest voilà. Song. Voilà, super. Ouais. Bloc Identitaire featuring Youssoupha, tu l'as dit. Voilà. Ouais. On devrait faire ça, nous aussi, vous êtes à la radio. Vous êtes sur les ondes du. Tu sais, juste être vraiment flou, tu sais. Oui. Vous écoutez la radio. Ah, moi qui regardais mon téléviseur, ma boîte à images. Qu'est-ce qui se passe? Ou votre iPod. Mais avec les téléviseurs internes qui ont installé des radios, des voitures maintenant, ouais. Tu sais, c'est rendu maintenant pour certaines personnes. Là. Tu peux écouter ton DVD dans la voiture. T'écoutes ton journal dans le DVD. Puis... On pourrait faire un bloc GPS. OK. Puis là, tout ce qu'on fait, c'est des directions. Recalcul de l'itinéraire. Tout le temps, genre. Tourner à droite. Ouais. Ah, c'est maudit recalcul. Oui, recalcul. Imagine les personnes qui disent écoutez, pour vrai, tourner à droite. Oh, ouais, c'est bon. Il a vraiment endormi ce matin. Moi, mon GPS, je n'ai pas payé cher, ça apparaît. Parce que il se met tout le temps à jour. OK. Il se met à jour à tout bout de chaîne. Mais tu sais, quand il se met à jour, il s'éteint. Puis là, il se met à jour. Là, t'es comme allô? C'est parce que. Je vais où, moi, pendant ce temps-là? Tu sais, c'était seul comme ça. Mettons, c'est comme, ah ben oui, va sur l'autoroute pendant 800 km. Bon, tu sais, c'est pas si grave, là. Mais si, mettons, tu te fais virailler à droite à gauche, ouais. Ben, ça peut être fatigant. C'est une belle anecdote, hein? C'est vrai, ça. Je suis punché, moi. Mais c'est vrai, ça, ouais. C'est des choses qui t'arrivent au quotidien. Au quotidien. Quand je vais à l'école, je connais pas encore. J'avoue qu'une mise à jour, c'est vraiment quotidien. Mais pour de vrai, non, mais je comprends pas. Oui, oui, oui. Mais il se met à jour, vraiment, pour de vrai, là, c'est pas pour faire le jeu de mots, mais quotidiennement. Là, à chaque jour, Windows, à chaque jour, il est comme, hey, Java! Ouais, c'est ça. Java. Ben, Java comme Windows. Comme Windows, ah, comme okay, Windows. Okay. Moi, je suis parti dans la guerre des étoiles. Ah. Moi, je t'ai passé Java, ouais. Du Mocha Java. Comment? Mocha Java. Ah oui. Le café. Oui. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Oui. C'est quoi qu'ils disent? Moka Java. On va trop loin. Oui. C'est plus drôle. Non, là, on a dépassé la borne. Les jokes multilinguistiques, ça marche plus, mais. Non, hein? Non. C'est comme, tu sais, Tiesto Toaster, tu sais, rendu use un peu. Tiesto? Tiesto Toaster. Tiesto Toaster? Le DJ Toaster, là, Tiesto, ah? C'est ça que ça veut dire? Hey, shit, c'est une joke que je pensais même pas avoir faite. Là, Mathieu, là, Java faire. Java faire. Oh! Bravo. Oh. Bravo, merci. Better than gold, Cat Empire. Oh. On vient après avec Arrête avec tes questions. Four steps in the morning, the two steps in the day, the three steps in the evening, and the darkness is ablaze, and all the angels, seats, and soldiers. blood. And what a piece of work is man who screams the name of love. But all his brothers, cousins, sisters, and others hear his fuzz. What none can dream, but light calls it a lie. And all the sinners, saints, and winners just wink and walk on by. The Brando's in the forest, and Nancy's in the flood. The black swan makes it pirouette, the gods cry from above. And all the rain keeps falling on bare feet in the mud. In the west, west, southbound with a beat. And all the lions, brides and preachers come down into the street. The Cat Empire avec Braille and Go! Comment tu dis ça? Il nous reste encore une dizaine de minutes d'émission, mais juste assez de temps pour pouvoir répondre aux questions qui brûlent les lèvres de Jean-Philippe Charbonneau. Voici Arrête avec tes questions. Arrête avec tes questions, on n'en peut plus. Par pitié, je t'en prie, sois cool. Arrête avec tes questions, on n'en peut plus. S'il te plaît, mon chéri. On peut pas tout savoir. On peut pas tout savoir. Non. Ben non. Mathieu Roy, c'est un Français resté... qui dit ça, genre. Oui, c'est ça. Un. Pourtant, il se pense tellement bon. Hein. Mais c'est ironique, ça. C'est... Donc, vous avez reconnu Mathieu Roy qui reste avec nous. Jean-Philippe, tu as des questions à me poser. Je vais essayer de répondre de mon mieux. Oui, Mathieu Plante, j'ai des questions pour toi. Tu sais, le matin, quand tu te réveilles, puis ça fait. Puis que tu pues de la bouche. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on pue de la bouche quand on se réveille le matin? C'est vrai que c'est la pire chose le matin, l'haleine matinale. On se brosse les dents, on passe la soie dentaire, on se passe du rince-bouche, mais des fois, on a de la difficulté à se débarrasser de cette odeur-là. Et bien, c'est juste, en fait, c'est ça, c'est de la mauvaise haleine normale, ce qu'on appelle de l'halitosis. Il y a aussi un phénomène qui s'appelle l'halitosis chronique, mais c'est pas très, très commun. La plupart des gens se réveillent seulement avec une mauvaise odeur dans la bouche, et il n'y a rien de médicalement dérangeant ou même d'anormal là-dedans. Pour comprendre l'haleine du matin, la première chose à comprendre, c'est que c'est pourquoi ta bouche ne sent pas mauvais le reste de la journée. Donc, pour savoir pourquoi elle sent mauvais, il faut savoir pourquoi elle ne sent pas si mauvais que ça le reste de la journée. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand on vit notre journée, Les bactéries travaillent dans notre bouche pour défaire ce qu'on appelle les aminoacides, les protéines et d'autres trucs chimiques qui sont laissés derrière dans nos bouches provenant du dernier, du précédent repas que tu as mangé. Donc, le processus produit ce qu'on appelle du sulfure volatile compound, VSC, qui un peu comme le hydrogen sulfide, là, je connais pas ces termes-là en français, dimethyl sulfide et methyl mercaptan. Tout ça, c'est responsable pour la mauvaise odeur. Et quand on est réveillé, notre salive va laver, va enlever ces bactéries-là, donc avant de pouvoir sentir mauvais. Et quand on dort, la production de salive est pas mal moins forte. Donc, en l'absence de la salive, les bactéries peuvent se propager et ça va faire une mauvaise haleine. Le matin, ça va s'accumuler parce que tu as moins de salive qui est produite pendant la nuit. Voilà. Voilà. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on peut pas faire grand-chose. On dit se brosser les dents avant de se coucher, ça va minimiser les dommages. Ça va réduire les compounds, donc que les bactéries vont manger. Ou je sais pas trop ces affaires-là, c'est un petit peu technique. Là. Et boire un verre d'eau aussi avant de se coucher, ça va compenser un petit peu pour la perte de salive. Autre que ça, c'est de se brosser les dents le matin, puis c'est pas mal tout ce que tu peux faire. Je vais prendre un droit de réplique. Merci. Moi, ma réponse a été un dommage collatéral de la fée des dents. Oui. Elle prend... Oui, c'est ça, OK. Oui. Ben oui. Ben oui. Puis ça a l'air que dormir dans un lido, ça change rien. Non. Un lido. Un lido. Est-ce que tu dis de prendre un verre d'eau? Un lido Vic Nadeau? Je comprends pas. Non, juste un lido. Est-ce que tu dis de prendre un verre d'eau? Ça sert à rien de les demeurer dans un lido. Ah, j'ai une autre question, Mathieu. Oui. S'il te plaît. Elle a été dure, celle-là. C'est déjà assez difficile de répondre avec des termes comme aussi compliqués que hydrogen sulfur. Oui. Il va peut-être avoir des bornes de ça bientôt pour les autos. Hydrogen. OK. Prochaine question. Mathieu, tu sais, des fois, t'achètes un petit paquet de chips. Ouais. Puis là, il y a des petits cercles de couleurs dessus. Ça fait peur, oui. Que, c'est quoi? Pourquoi les cercles de couleurs? Oui. Pourquoi les cercles de couleurs? C'est sur les emballages. Mettons, c'est juste ça, c'est simple de même. C'est la deuxième. Ben, il y a beaucoup d'informations, comme on sait, sur les emballages, que ce soit les calories, n'importe quoi d'autre, mais aussi ces petits cercles ou des fois des carrés de couleurs. On appelle ça des printers color blocks ou des process control patches. C'est une grille de couleurs qui indique quelle encre va être utilisée pour produire l'emballage. Donc, l'imprimeur va vérifier ces cercles-là ou ces carrés-là pour déterminer si un paquet ou un emballage est conforme à la couleur que le produit devrait avoir. Donc, s'il y a des problèmes, les blocs de couleurs vont permettre aux humains et aux imprimantes, dans le fond, aux ordinateurs, de savoir s'il y a un manque ou un surplus de couleurs qui aurait causé un problème. Donc, les blocs de couleurs, qui sont souvent des cercles sur la plupart des sacs, comme tu l'as dit, mais peuvent aussi être des carrés sur les choses qui sont en boîte. Les couleurs les plus communes sont le noir, le cyan, magenta, jaune, étant donné que c'est les couleurs de base qui sont utilisées par les imprimantes. Si la majorité de l'emballage est aussi composée d'une couleur spécifique, comme mettons, je sais pas, il y a beaucoup de teintes d'orange, eh bien, on va appeler ça des spot colors. Il va y avoir un carré ou un rond qui va être seulement de cette couleur-là, de cette teinte de couleur-là. Il va y avoir plusieurs couleurs dedans. Donc, les sacs de Cheetos, par exemple, vont toujours avoir un bloc orange. Dans le fond, c'est l'exemple que je suis utilisé ici. La décision d'inclure ces éléments-là est une option et non une règle. La plupart des grosses compagnies qui font vraiment des produits en masse dans une usine vont faire cropper les blocs de couleurs parce que ça va être à l'extérieur, dans le fond, de la ligne de coupe du sac ou de la boîte. Donc voilà, il y a aussi, on se demande des fois, les petites croix ou les T. Ça s'appelle des register marks ou des position marks qui sont faites pour aligner les couleurs à l'emballage pour que ça arrive exactement sur la ligne de la boîte où ça devrait arriver ou du sac. Oui. Et après son cours. Dans les journaux, ça arrive souvent. Dans les journaux aussi. Ben, dans le temps, nos anciens PDF du Zone Campus, si vous retournez dans les premiers numéros, avaient des petits codes de couleurs et des petites lignes de coupeurs. Oh! Maintenant, on les a plus. On a réussi à éviter ça dans le PDF. Exactement. Donc voilà pour ça. Voilà. Et petite dernière question, Mathieu, comme ça, à brûle pour point. Tu me connais. Des fois, avant de me coucher, tu me connais. Je te connais. Quand tu viens de coucher dans mon lit. Ben oui, Mathieu, j'ai des questions. Okay. Oui, conversation de rayé que je suis pogné en travers. Oui, on est vraiment là. Ouais. Tu sais, ça peut arriver des fois que t'as envie d'un petit snack avant de te coucher. Oh, la collation des grades, comme on l'appelle. Oui. Mais mettons, une petite collation d'avant-dodo. Okay. Mais pourquoi on a tout le temps envie d'une petite collation dodo? Bonne question. Ben, ça vient de nos ancêtres. Ah. Aussi sérieux puisse-t-il cela paraître genre... Que de... Une étude récemment publiée par le journal Obesity. Il y a un journal qui s'appelle Obésité. C'est des photos de grosses. Okay. Non, c'est une blague. On enlève cette blague-là du montage. Ils ont découvert que les petites collations de fin de soirée, ça vient de notre système circadien. D'accord, qui est notre horloge interne qui contrôle quand le corps va avoir besoin ou va, dans le fond, utiliser ses habitudes. Donc, ça règle nos habitudes, cette horloge-là, le système circadien. Donc, ce système-là, ben, c'est lui qui nous demande d'aller manger, genre, mettons, du sucré. Tu sais, quand t'as envie de sucré, quand t'as envie de salé. Et tout ça, c'est des restants d'un système de mécanisme de survie où manger de très, très gros repas tard le soir allait permettre à nos ancêtres de garder de l'énergie pour eux à l'époque de la famine. Donc, historiquement, Mathieu Roy, t'étais en histoire, je pense. Oui, est-ce que ça a du sens, ça date, ça se tient-tu, ces affaires-là? Ben, les famines sont tellement régulières. Tu sais, il y en a une de prévue pour 2024, je pense. La prochaine, c'est quand, je sais. Non, mais c'est... Les famines ont toujours existé, ça a toujours eu lieu, fait que c'est... Mais en même temps, si t'es en famine, tu peux pas te taper un snack le soir avant d'aller coucher, là, me semble. C'est ça le principe. J'imagine que mais... tu mangeais beaucoup de patates. Ouais. Je sais pas trop quoi. Ben, les Irlandais, de vrai. Les Irlandais, ouais. Mais ma question par rapport à ça, c'est si c'est inscrit dans nos gènes. Ouais. Ben, c'est pas une manière de mettre ça sur le dos de l'autre. Ben, là, c'est dans mes gènes. C'est dans mes gènes. Je sais pas, c'est peut-être une question, je sais pas, d'évolution, tu sais, ça. Mais moi, je vérifierai les sources de l'article. Ouais. Ben, c'est selon le Journal Obesity. C'est selon un journal réputé qui s'appelle Obésité. Évidemment, c'est très réputé, j'imagine, dans le domaine. Donc, on dit un peu comme l'appendice. Ça couvre large. Oui, c'est ça. Oh, wow. Bravo, bravo. L'évolution et les changements dans les habitudes d'alimentation des humains ont rendu ça obsolète, dit-on. Mais contrairement à l'appendice, cette tactique de survie contribue maintenant à l'obésité morbide, selon ce journal Obesity, qui est la source que j'utilise en ce moment. Stephen Shea, docteur, un des chercheurs qui a conduit cette étude-là, a conclu que le système circadien cause un pic, un sommet la nuit où l'appétit, dans le fond, ça dit plus de calories. Attends un peu, c'est ça. Avant de passer au sommet, qui est une période de dans le fond, de comment tu dis ça, de faste, quand tu manges pas du tout, comment tu appelles ça? C'est du. De jeûne. De jeûne. Ouais. Voilà. Le carême. Oui, le carême. Tout le monde a fait ça. Islamique, ben oui, ben oui. November est plus rendu à mode que le carême. Est-ce qu'on peut juste arrêter de manger une certaine. Je vais arrêter de manger les moustaches pendant le mois de novembre. C'est assez, je fais ma part. Je fais un don de 20$, j'arrête de manger les moustaches. La joke est un peu trop facile, ouais, je me retiens. Oui, je connais ça l'impro, je suis Mathieu Roy. Ok, ça va faire. Non, tout le monde sait que j'ai pas un grand sens de la retenue pour les mauvaises blagues. Fait que là, imagine si tu te retiens pour une blague, comment elle était vraiment déplacée. On la fera hors d'onde. Ouais. J'ai un mauvais goût dans la bouche, une mauvaise haleine de marche. Ah, mais tu sais, qu'est-ce qui cause ça? Ça, c'est la. C'est la cyanide d'hydrogène. Mon nom d'affaires chimiques qu'on connaît pas. Ouais. On a un bon verre d'eau. Mais c'est normal. C'est normal. C'est ça. On a essayé de répondre à ces questions. Je pense qu'on a des bases de réponses, même si des fois le sujet peut être un petit peu plus complexe que notre cerveau peut le comprendre. Non, mais c'est le fun. J'aime ça. Voilà pour arrêter avec tes questions. Ben oui, j'arrête. J'arrête. C'est fait. Oui. T'es satisfait? Avec ses questions intellectuelles, lui. Ben oui. Tellement. Des jokes de Lido. J'aurais dû mettre mes lunettes. Et mon. Alors voilà pour cette chronique-là. Et voilà pour l'émission d'aujourd'hui. Donc on remercie Mathieu Roy. Merci beaucoup. Plaisir. Merci à vous de toujours être aussi accueillant. Toujours. Ça nous fait plaisir. On remercie aussi Charles-Antoine Rioux. Oui, qui était là pour sa chronique UQTR. Et Anne-Julie Durocher avec sa chronique L'Index. Restez à l'écoute pour les Mâles Honnêtes qui s'en viennent à 10h. Ensuite de ça, c'est le Dîner de Cons, bien sûr, avec Danny Janvier et ses chroniqueurs. Après ça, à 13h, c'est la reprise, la rediffusion écourtée de Rock Classique avec Alain Lefebvre. À 17h, je serai de retour avec Stéphanie Paradis pour les Palmarès Cifo Édition Top 10. À 18h, c'est La Vie en Mauve avec Mylène. Mylène et Karina. Ouais, c'est ça. On mélange les filles. Il y a tellement pas d'émission de filles, c'est fou qu'on les mélange. Et à 19h, c'est Réanimation avec du métal et de l'horreur. Oui. Et puis demain, Assemblage requis. Ouais, qu'est-ce qu'il y a demain, non? Ben, il y a Ingrid. OK. Anne Debert. Ouais. Qui va nous parler des sages-femmes. Il y a Stéphanie Paradis qui va nous parler de la dernière édition du Zone Campus qui sort là. Arrête donc aujourd'hui, ça. Là. Wow. Aujourd'hui, mardi. Oui, oui. Right. Puis Lily Brunet-Saint-Pierre et Sébastien Duluth nous parleront de leur chronique. Tu as dit Duluth, hein? Non, je pense que j'ai dit Duluth. J'ai pensé à Mathieu Plante. Oh merde, ça fait deux fois que je fais ça. En tant que juge parfaitement neutre. Neutre. Ouais. Je m'excuse, Sébastien. Du lude. Mais on a déjà fait la blague. Oh vieux, du lude, quel mesquin. Toutou. Ah. J'ai déjà fait ça en ondes, mais je l'ai trouvé bien drôle. Oh. À l'époque. À l'époque. Ça veut pas dire qu'elle l'est vraiment. Oui. OK, mais là, t'as trouvé moins drôle? Ben non, je la trouve encore drôle, c'est juste parce qu'il est pas vraiment mesquin. Fait que c'est un petit peu comme... Mais trouve d'autres choses après. OK, qu'est-ce qu'on dit? Oh vieux du lude. Et là, remplissez le vide. Un peu comme un tombe crochu. Quelle chronique? Ben, c'est pas une chronique, Sébastien Duluth, c'est une personne. Non? Oui, mais il fait des chroniques. C'est pas une femme objet. Je sais plus quoi dire. Pause. Oh vieux du lude. Faut que ça finisse par un. Quel engin? On s'en parle demain. Quel engin? La bonne réponse, 2500 $. Wow. Wouhou!